Calvin Harris et Rihanna sur Fun Radio. Love in Fun. Love in Fun. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Tous les soirs, vous venez faire de la radio avec nous entre 20h et 22h. Et vous pouvez même faire les 2 heures d'antenne avec nous sur Fun Radio. C'est Cyril qui a passé toute l'émission là avec Love in Fun. T'es là, Cyril? Ouais, je suis là. T'as assuré, Cyril. T'as 16 ans, t'es à Châteauroux. Tu fais un petit peu de radio, je crois. Hein. Ouais, c'est de la web radio, ouais. Tu fais de la web radio, donc si on veut t'écouter, comment on fait? Il y a un site internet? Ouais, alors c'est www.move, donc M-O-V-E, radio.fr. D'accord, et tu voulais passer un petit message? Profite, hein. Ouais, alors déjà, je voulais juste dire pour Baptiste qui était là tout à l'heure, je voulais lui dire que s'il avait besoin d'un coup de pouce, je pouvais lui en donner un. Pas Donc c'était Baptiste qui voulait savoir si c'était bien de faire des fistes, hein, et si ça faisait mal. Toi, tu donc, commences par le pouce. Voilà. Écoute, voilà, ça fait moins mal. Ça fait moins mal, Cyril. Et petit message pour qui encore? Alors, dédicace à Thomas, Kylian, Angélique, Aline, et puis aussi à Greg de Fun Radio, parce que c'était, mon première interview en web radio, c'était avec Greg, donc je lui fais un énorme big up. Greg que vous retrouvez le week-end sur Fun Radio et qui faisait le 12-16 là, cet après-midi, et qui nous écoute d'ailleurs régulièrement, qui tweet et tout. Et ouais. On te fait une grosse bise, mon Greg. Et on va vous retrouver dès demain sur Fun Radio. Merci beaucoup d'avoir déjà été fini avec nous. Merci. Et ouais, comme tous les soirs, on va retrouver les deux bombasses de Fun. Maintenant sur Fun Radio. Ah, bien sûr, non, mais c'est vrai que vous êtes plutôt jolie quand même. Il a dit, je vais, tiens, ce soir, je vais leur faire des compliments. C'est pas habituel, mais je vais essayer de cirer les pompes. Je sais pas pourquoi, hein. Non, il y a c'est pas quelque chose à demander. Karel. Bah, Doc, enfin. T'as quelque chose à demander? Non. Mais dis-nous, il y a bien un truc. Pourquoi t'es si gentil avec nous ce soir? J'ai pas eu d'invitation pour ton anniversaire. Mais tu mens. Oh, si, il en a eu une. Mais évidemment que tu mens. J'ai pas été invité. Mais si, évidemment, n'importe quoi. Non, j'ai pas été invité. Mais si, t'es le premier même de ton équipe que j'ai invité. Non, t'as invité Guillaume avant. Tu vois, t'as invité Guillaume du Standard avant. Ouais. Et ça. Non, mais en fait, non, je l'ai invité pour la partie 2, en fait, chez moi. Il est pas invité à la première. Guillaume, est-ce que tu vas y aller alors à l'anniversaire d'Anso? Bah, je n'ai pas été invité, moi. Mais évidemment que vous êtes invité, enfin ça tombe sous le sens. Mais je sais que tu nous invites. Bah alors. Mais c'est rendez-vous vendredi, c'est ça? Ouais, vendredi soir. Mais tu sais qu'il y a la dernière extension de World of Warcraft qui est sortie. Et en ce moment, je suis en train de pexer sur mon DH. Bah écoute, c'est à toi de voir. C'est soit moi, soit les jeux vidéo. Ouais, mais tu m'embêtes avec Guillaume là, tout le temps tu parles de lui. Avant c'était. Qu'est-ce qu'il y a? T'es jaloux? T'as Katoche? Ta gueule! Ta gueule, Doc! Tu comptes entre Anso et moi. Oui, j'ai compris, mais en fait, bon. Anso, moi aussi, je me suis mis à la muscu. Eh ben écoute, ça se voit pas. J'en ai rien à foutre. Je reviendrai demain. Salut, à demain sur Fun. Salut. Un jour, je serai le meilleur auditeur. Je les écouterai sans répit. Je ferai tout dès 22h pour rester jusqu'à minuit. J'écouterai l'émission tout entière en kiffant chaque soir. Marion, Anso et leur pépère, plus fort qu'un suppositoire. Le Night Show, écoutez-les, c'est notre histoire. Ensemble 2 heures chaque soir. Le Night Show, Amir aussi est là, ses sourcils prêts. Marion et Anso. Et Anso. The Night Show. Sur Fun Radio. Bonsoir à tous et bienvenue sur Fun Radio. C'est Marion et Anso, le Night Show. On est ensemble en direct comme chaque soir. Jusqu'à minuit, je suis Anso, la petite blonde à frange. Ouais. Et je suis tous les soirs accompagnée de Marion, la petite bronde. La petite brune. La petite brune à frange. Bonsoir Marion. Ça va Anso? Ça va très bien. Alors, lendemain d'anniversaire, on a vécu une soirée mouvementée hier, ouais. Hein, puisque je le rappelle, on a lancé le grand Qui veut pécho Anso. D'ailleurs, la vidéo arrive là sur la chaîne YouTube. Soyez patients, on vous prépare une très belle vidéo, c'est pour ça que ça traîne. Mais la France s'interroge, Anso. Oui, bah, j'ai reçu beaucoup de tweets et beaucoup de messages sur Facebook aujourd'hui pour savoir comment ça s'est terminé la soirée, puisque je vous rappelle que sur les 8 garçons présents, j'ai choisi Paul. Voilà. Paul le danseur, Paul le beau gosse, on va pas se mentir. Paul Cabeza sur Twitter. Voilà, c'est ça. J'ai eu peur. Moi aussi. Moi aussi. J'ai cru que tu parles en espagnol, chelou. Ouais. Écoute, avec Paul, donc vous voulez savoir? Alors, moi, j'ai vu que tu avais pris un petit café avec lui à la machine à café après l'émission. Oui, on est resté un petit peu après l'émission à discuter ici. Mm-hmm. Oui, Amir? Est-ce que je peux dire que j'ai filmé ce moment ou pas? Bah oui, on le sait. Ah, oui, mais après, on a continué à discuter. Et voilà, c'est quelqu'un de très charmant, Paul. Il est plutôt intelligent, bon, attends, plutôt drôle, plutôt sympa. On va poser les questions concrètes. Est-ce que vous avez échangé vos numéros ou pas? Oui, on a échangé nos numéros. Oh là là là là, elle va pécho. C'est vrai. Bon, du coup, on attend la suite. Oui, on attend la suite, mais je suis pas une fille facile, moi. Bon, en tout cas, si Paul nous écoute, j'ai l'impression que c'est bien parti, mon pote. Continue comme ça, les petits pas de danse, hop hop hop, ça fonctionne bien. Ah, le breakdance, c'est pas mal, c'est efficace. Vous confirmez qu'il nous écoute? Il vient de favoriser un statut. Ah bah voilà, bah Paul, je t'embrasse. Bon, en tout cas, très grosse émission ce soir, les amis. Je vous promets un « je te demande pardon » tout à l'heure. Mais alors, du lourd, du lourd, du lourd. C'est un très gros dossier, une histoire d'infidélité, Anso. Ouais, c'est pas facile, on va devoir venir en aide à un auditeur qui doit se faire pardonner. On va aussi parler des plus grosses preuves d'amour. Qu'est-ce que vous avez fait par amour, là, comme ça, un truc de malade? Appelez-nous 01 42 48 5000. Et puis il y aura du talent. On va vous offrir de l'iPad, enfin bref. Venez, on se marre, quoi. Sympa. Et puis ce soir, on va écouter du son aussi. Il y aura Soprano ce soir. Ce soir, je suis en feu. J'adore ce mec. Je crois qu'il est en feu, là. Sans deck. Et puis on va écouter l'un de mes titres préférés en ce moment, c'est Mike Perry. Vous voyez, ça c'est typiquement le genre de morceau que j'aurais envie d'écouter avec Paul. Ah ouais. Et là, je le vois bien danser un petit peu, tu vois, comme ça, faire la vague, hop, hop, hop. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, mais pas que avec ses bras. Ah ouais. La vague de la tub. Ok, on y va. Bonsoir Amir de Réseaux Sociaux. Salut les filles. Alors Amir, est-ce que tu as une petite trouvaille pour nous sympathique ce soir? Alors, je voulais vous dire deux choses. Oui. Alors vous savez, l'année dernière, enfin la saison dernière, on avait parlé de l'application Claque des Doigts. Oui. Le service de conciergerie, on envoie un SMS et bim, il réalise vos souhaits. Ouais. Eh bien sachez qu'en fait, j'ai reçu un SMS tout à l'heure et il vous écoute tout le temps. Arrête. Ouais. Elle vous écoute tout le temps. Parce que je voulais commander un McDo via Claque des Doigts. Ouais. Et elle m'a dit, la fille qui me parlait, est-ce que Marion et Anso vont veulent un McDo? Bah oui, t'as pas dit oui. Ah bah non, j'ai dit non, je fais attention à votre ligne, les filles, quand même. Et genre, c'est gratuit et tout? Non. Ah d'accord. On embrasse quand même, Claque des Doigts. On va passer notre application tout de suite. Non, je voulais vous parler d'un truc qui va arriver et qui va cartonner dans les jours qui suivent, dans les semaines, pardon. Ça s'appelle LifeStage. Est-ce que vous connaissez? Non. C'est le concurrent direct de Snapchat. Ah. Élaboré par, à votre avis? Bah, Facebook. Facebook. Et c'est quoi? Alors en fait, c'est un Snapchat, sauf que vous pourrez plus parler en privé. C'est de l'échange de vidéos. Et par contre, dès que tu balances ta vidéo, tout le monde voit la vidéo. Ça, c'est obligatoire. L'application a été conçue par un gamin de 13 ans. Putain. Non, de 19 ans, pardon. Ah, c'est pas pareil. Ouais, ouais. L'écart, quoi. Ouais, non, il a 19 ans, mais il a commencé à faire des codes en mode informatique et tout ça à partir de 13 ans et recruté par Facebook. Et c'est lui avec d'autres gars qui ont fait l'application. Et du coup, ce sera que de la vidéo ou de la photo aussi? Alors, ça va être que de la vidéo dans un premier temps. Et ouais, surtout, dès qu'il y a une personne dans ton bahut qui a l'application, eh bien, tu pourras parler que avec les personnes de ton bahut si tu veux. Ah, c'est pas mal, hein, ouais. C'est un bon délire. Hein. Ça va arriver. Et bien sûr, Snapchat, ça va être dur pour eux. Alors, ça, laisse-moi te dire que ça va être un nouvel outil de drague. Hein. Bon, LifeStage. En tout cas, nous, pour l'instant, on est sur Snapchat. Marion et Enzo, elle est en train justement de vous faire des snaps. Donc, allez-y. Vous nous rejoignez comme ça, on se marre. Bonsoir, Thibaut à l'AREA. Salut les filles. Ça va, Bichon? Ouais, bah, vous savez quoi, moi, je suis pas super croyant. Mais depuis que je vous vois, bah, j'ai l'impression que le paradis, il existe. Oh là là là là là là là là là. Et lui, plus ça va, plus je l'aime. Hein. Mais on sait en plus que c'est préparé et que c'est pas spontané, mais ça passe quand même. Ah bah moi, j'y ai cru. Non, non, t'inquiète pas. Non. Bon, bonne journée, tout va bien? Ouais, trop cool. Super. Bonsoir, Enzo. Salut les filles. Ça va, Bichon? Ouais, ça va super. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir retrouvé ma voix. Ça revient petit à petit, ouais, effectivement. C'est crescendo, voilà. Bon, est-ce que tu es prêt pour accueillir les gens au 01 42 ouais, 48 5000? Au taquet, avec une voix un peu rock. Est-ce que tu es prêt pour nous présenter le ou la première auditrice de ce soir? Yes, alors c'est Valentin, il a 20 ans, il habite à Bordeaux et demain il voit son plan cul. Il avait une question à vous poser par rapport à ça. Ok, bonsoir Valentin. Salut l'équipe, comment ça va? Salut Val. Ça va et toi? Eh ben, ça va plutôt bien, ça va plutôt bien. Bon ben voilà, Enzo vous a tout expliqué. Donc du coup, demain je le vois pour mon premier rendez-vous. Et donc j'aimerais savoir, est-ce que je lui claque un smack ou est-ce que je lui fais la bise? Ah. Ah non, mais attends, t'as jamais couché avec elle encore? Non, non, pas encore. Mais tu sais que tu vas coucher avec elle? Ouais, bah ouais, ça s'est fait par message, donc ouais. Ah, c'est une bonne question, hein. Ouais, moi je sais comment il peut faire. Il faut qu'il arrive en avance, qu'il l'attende, et c'est elle qui va venir vers lui. Il va chez elle. Non mais, j'allais donner exactement le même conseil qu'Amir à l'inverse. Bah, parce que du coup, moi ça m'est dit arrivé. Du coup, j'attends, je me pose, c'est elle qui arrive, donc c'est elle qui va entreprendre. Oui, mais là on est d'accord, tu vas chez elle. Ouais. Et bah alors c'est simple Valentin, quand tu vas chez quelqu'un comme ça, tu sonnes Et quand, quand elle va ouvrir la porte, tu restes planté là. Et t'attends qu'elle fasse quelque chose. Je suis pas d'accord avec vous. Mais, si, mais non, mais les gars, ils se sont jamais vus. Il va pas la smaquer de toute façon. Mais ils ont fait l'amour par message. Ça t'est jamais arrivé, toi, Marion? Et oui, d'accord, mais t'as fait l'amour avec elle par message? Mais oui. Ouais, par message, ouais. Mec, je suis désolé, le smack comme ça, il l'a jamais vu en visu, quoi. Non mais tu fais un début de bise et puis la, le deuxième bisou, tu le fais au coin des lèvres. Non, voilà. Bah d'accord. Ouais. Tu fais le bisou au coin des lèvres, comme ça. Mais c'est quoi cette stratégie? Mais non, moi je lui ferai la bise tranquille, vous buvez un petit verre et après t'auras tout le temps de l'embrasser, arrêtez vos conneries. Et puis si ça se trouve, tu vas tomber sur une grosse chaudasse qui va trouver une grosse pelle, hein. Oui. Peut-être aussi. C'est possible aussi, Valentin. Photo, on n'est pas tous d'accord. Tu choisis la stratégie que tu veux et surtout, tu nous racontes. Ouais. D'accord, ça marche. Je vous enverrai un petit mail, etc. Pas de soucis. Sans déconner, Valentin, parce que même pour moi, j'aimerais bien savoir là, comment ça se passe. Savoir comment on fait dans ce genre de cas, tu vois. Et comment tu vas faire avec Paul, voilà. C'est mais Paul, c'est pas pareil, puisque là, on est parti dans un truc normal. C'est-à-dire qu'on se chine un peu, tu vois, c'est logique. Oui, mais s'il t'invite chez lui. Bah s'il m'invite chez lui, je vais lui faire la bise, on n'a pas fait l'amour par message. Intéchante. Mais par contre Paul, si tu souhaites faire l'amour avec moi par message, mon téléphone est allumé. Valentin, on t'embrasse, tu nous tiens au courant, d'accord? Je vous embrasse aussi, pas de soucis, je vous tiens au courant. Bisous à toi, ciao ciao. Allez, salut, gros bisous, à bientôt. Bon, dans un instant sur Fun Radio, on a envie de lancer un hashtag avec vous tous. La France part sur un hashtag. Le hashtag est très simple, c'est à la rentrée, il y a toujours, puisque ça vous a pas échappé, c'est la rentrée pour demain, ça va même démarrer il y a quelques jours pour certains d'entre vous. Au pif, un exemple, hashtag à la rentrée, il y a toujours, Enzo standard. Il y a toujours tes potes dans une autre classe et toi t'es tout seul. Ah ouais, oui, c'est vrai ça. Tellement. Ça vous est déjà arrivé dans l'équipe ça? Oui. Ah ouais. Oui, tout le temps, à chaque fois. Bon bah si ça arrive à tout le monde, finalement ça n'a plus d'intérêt. Et moi j'en ai un à dire tout à l'heure. Bon, et ben hashtag à la rentrée, il y a toujours 01 42 48 5000. On se retrouve juste après Sigala sur Fun. Vraiment cool. When you get weak, I'll make you strong again. When all is lost, I will comfort you. So give me your love, I need it. Give me your heart, I'm bleeding. Give me your love, I need it. Oh yeah. 7h13, c'est Marion et Anso. Et je sais, c'est la merde. Vous êtes en train de vous coucher, en train de nous écouter. Et là, vous vous dites, c'est la dernière soirée de mes vacances. Demain, c'est la rentrée. On comprend, on se rappelle de cette sensation. Mais vous inquiétez pas, on sera là pour toutes les soirées avec vous, c'est promis. Non, puis c'est surtout, c'est que deux jours en fait. Hein. De quoi ? Bah, la rentrée. Bah oui, mais après, c'est les cours, quoi. Ça y est, c'est parti. Ouais, mais c'est demain, pas... jeudi, vendredi, ouais. Hop, re-week-end. Sachant que jeudi, vendredi, ça va être les débuts. On fout pas grand chose, quoi. Attends, parce que. J'ai entendu dire tout à l'heure, j'ai bouffé au McDo, que demain c'est la pré-rentrée. Oui, c'est ça. Et ensuite ils reprennent que lundi. Ah bon ? Ouais. En fait, je pense que ça dépend vraiment des villes, des bahuts et tout ça, parce qu'il y en a qui bossent vendredi, il y en a même qui ont que leur rentrée vendredi. Ah ouais, ça dépend. Bah, Jonathan, le petit stagiaire, ouais. Il reprend les cours demain. Ok. À 11h et puis finit à 17h et après il reprend lundi. Mais qu'est-ce qu'il fout encore là ce soir lui ? Je serais curieuse de connaître l'emploi du temps de Jonathan sur toute l'année. J'espère que tu l'aimes bien. Alors lundi il commence par du français de guerre. Bon, en tout cas on est là pour vous, pour délirer là. 01 42 48 5000 si vous avez besoin de soutien, de vous marrer. Et on a lancé ce hashtag. Hashtag à la rentrée, il y a toujours. Donc allez-y, on se lâche sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et à l'antenne. Et j'ai envie de commencer par le mien. Est-ce que vous voulez m'écouter ? Ouais. Je t'écoute. Hashtag à la rentrée, il y a toujours le prof qui écorche le nom d'un élève. Ah mais c'est clair. Ah ouais. Non mais tu sais que moi quand j'étais à l'école, il y avait toujours, parce que mon nom de famille c'est Supio. Oui. Ça s'écrit S-U. Et bien il y avait toujours un prof qui m'appelait Anne-Sophie Supio. Mais ça n'existe pas, S-O-U. Certes. S-U. Ah. Tant que c'est pas Supo, ça passe. Ça t'est jamais arrivé ça, Supo ? Bah, on m'a dit ça toute mon enfance, t'imagines. Oh, entre Supo, tête de bite et Supo, oh, c'est là dur. Là. Bah, c'était toujours dans la même zone, hein. Bah, il général, hein. Pauvre. Bah, fais-en toi un hashtag. Hashtag à la rentrée, il y a toujours la super meuf dans ta classe, genre bonasse, hyper bien sapée, canon quoi. Ouais, alias la te pue quoi. Ouais, voilà. C'est comme on l'appelle chez moi. C'est hyper relou quoi. Ouais, mais il en faut, ça fait le charme du bahut. Tout à fait, 01 42 48 5000, on a Antoine à Évreux. Bonsoir Antoine. Ah, Évreux. Salut! Ça va Antoine? Bah ouais! Hey, c'est toi qu'on a rencontré à Évreux le week-end dernier? Oui, c'est ça! Ah, trop bien! T'étais venu à la soirée avec nous et tout, parce qu'on était, on avait fait une grande déloque d'équipe, hein. On était partis en boîte, on avait fait une petite pizzeria et tout, et toi t'étais un auditeur qu'on avait croisé là-bas? Oui, c'est ça! Adorable! T'es cuisinier, c'est ça? C'est ça, ouais! Ok, bah ça fait plaisir! Est-ce que t'as passé une bonne journée avec nous? Ouais, c'était extra! Oh, à refaire! Bah! Ah bah écoute, on avait prévu de retourner à Évreux justement, donc ça tombe bien. Dis-nous Bichon, c'est quoi ton hashtag ? Bah, il y a toujours un mec en retard au CFA. Quoi ? Ah ouais, si si. Il y a toujours un mec en retard au CFA. Ouais, genre à l'école quoi. En ouais, retard. Voilà. Ah, ouais, en retard. Ah, en retard le jour de la rentrée ? Ah ouais. Ouais, ouais. Ah, j'ai pas le souvenir moi. Si, il y a toujours un mec en retard. Ouais ? Si. Je sais pas, moi j'ai l'impression que tout le monde est tellement excité, tout le monde fait hyper gaffe le jour de la rentrée. Ouais, mais c'est pas toi, c'est peut-être les parents aussi parfois. Hein, peut-être. Bon. En fait, quand on s'est dit qu'on a, les cours de cuisine, tout, en fait, on doit être en binôme, et ça se passe la veille, en fait, on doit faire toutes les préparations, tout ça. Mm-hmm. Et le lendemain, il arrive à 11h, voire midi, juste au service. Ah ouais, il est gonflé. Bah ouais, après, il dit, ouais, j'ai loupé mon train. Ouais, bah ouais, ouais ça arrive. Mais du coup, tu te fais engueuler pour lui ou pas ? Bah ouais, un peu, ouais. Ah, oh, Bichon. Eh ben, si tu veux, tu nous donnes son numéro et nous, on l'appelle. Bah, je l'ai pas du tout, en fait. Bah, c'est pas grave. Premier degré, un petit peu, Antoine, non ? Antoine, merci de nous avoir appelé. On t'embrasse très fort. Est-ce que c'est possible de faire une dédicace ? Bien sûr. Je voudrais faire une dédicace à mon pote Mehdi, à Ousmane, à Thomas Salaoui, et à tous mes potes, j'oublie Jason, tout ça. Eh ben, on embrasse tout ça. Bisous, Antoine. Bisous. Ciao, ciao. Salut. Il y a Caroline aussi à Angers qui est avec nous. Bonsoir, Caroline. Salut tout le monde. Ça va, Caro ? Ouais, et vous ? Bah ouais, alors comment va Angers, ma ville de cœur ? Ça va. Ça va, ça se passe bien ? Ouais. Tu rentres en quoi, toi, demain ? Troisième. D'accord, alors vas-y, on t'écoute pour ton hashtag. Il y a toujours un BG que tu veux pécho. Ouais, le BG. Ouais. C'est vrai. Alors moi, j'avais pas de chance parce que dans ma classe, il y en avait jamais. Oh là là, moi je me souviens, en troisième, il s'appelait David Bocard. Il était beau. Mais ah il était beau. Ouais. Et alors, tu l'as pécho ? Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Non. Ah ouais, non, moi j'ai pas de souvenir comme ça. Ils étaient toujours soit dans une autre classe, soit l'année d'au-dessus, tu sais. Ouais. Mais non. Mais Caroline, tu pécho un peu du BG ou pas ? Ça va, mais c'est compliqué, on va dire. Pourquoi ? Bah, je sais pas. Ils sont tout le temps chiants, en fait. Ils sont pas matures. Ouais, c'est vrai que les BG, ils le savent en général et ils se la racontent un peu. Ouais, et puis ils sont un peu plus gamins que la moyenne, je trouve. Ah ouais ? Ouais. Meufs qui font des généralités. Bon, en tout cas, ma belle, tu nous raconteras ta rentrée demain, d'accord ? Ouais, est-ce que je peux passer une petite dédicace, vite fait ? Oui. Je fais une dédicace à Amy, à Nora, à Cécilia et Samantha et à toute la patinoire d'Angers. Ah cool, big up à la patinoire d'Angers, j'adore. Bisous Caro. Bisous. Ciao ciao. Salut. Amir. Sur les réseaux, est-ce qu'on a du monde? J'aime bien quand vous dites mon prénom à deux, j'adore ça. Ouais, sur les réseaux, il y a beaucoup de réactions, mais avant ça, je voulais vous dire, moi, j'avais fait une rentrée, je me souviens, en primaire, et j'étais tombé amoureux d'une fille qui s'appelait Pauline. J'étais complètement amoureux d'elle et j'ai jamais réussi à la voir. Mais j'ai réussi à la voir au collège. D'accord, Amir. C'est super. Mais ça, c'est une belle anecdote. Je suis très bien accueilli dans cette émission. Retour sur les réseaux, Bichon. Dis-nous tout. Hashtag le night show. Maëva et B44, il y a toujours, à la rentrée, il y a toujours un intello dans ta classe. Ouais, c'est vrai. Une meuf qui vient d'un autre bahut de la part de Maple. Un type qui a grandi de 20 cm. Ah oui, pendant l'été. Ouais. Mais c'est vrai, ça. Ouais, c'est dingue, il y a des gens qui changent en deux mois. Souvent les mecs. Ouais. Quelqu'un qui viendra ton pire ennemi toute l'année. Ah bon? Ah, il y a toujours un mec dans ta classe que tu détestes, non? Ouais, c'est vrai. Un con pour te demander si t'es dans sa classe. Ouais. Il est très bon celui-là. Des gens moches. Ce bâtard de professeur qui veut faire des cours dès le premier jour. Ah ouais, c'est vrai. Ça, c'est dur. Ça, franchement, ça, c'est dur. Moi, j'aimais bien les profs, tu sais, qui mettaient 1000 ans à te demander ton prénom et ton nom et pour les mettre sur ta table, tu sais. Qui connaissent pas encore ton. Ouais. Non, je vois pas du tout de quoi tu parles. C'était à quelle époque ça, Anso? Mais si, tu fais des petites pancartes pour que le prof il connaisse ton nom et ton prénom. Mais c'est en maternelle ça, wesh. Mais non N'importe quoi. Mais non, évidemment, regarde tout le studio m'acclame. Ah bon? Acclamez-moi. Non, alors attends, tu faisais une petite pancarte avec ton nom et ton prénom? C'est-à-dire que tu prenais une feuille que tu pliais en deux, tu mettais Anne-Sophie Supio et tu le mettais sur ta table. Et donc tu passais aussi des matinées à faire ça. C'est vrai. Des débiles. Mais c'est pas possible. Mais nous, on faisait pas ça du tout, quoi. Ils faisaient l'appel et après, bah. Mais je te vois faire ton collage, là, mettre ton nom et ton prénom. Bah écoute, nous, on faisait ça. D'accord. Dites-moi si vous faites ça, vous aussi, hashtag le night show. Est-ce qu'ils demandaient la profession de tes parents aussi? Non, bah, enfin, pas sur la pancarte. Non, ça, c'est quand, la maternelle, tout ça, ils te demandent. Mais après, au collège, lycée, non, quand même. Et puis Nico qui dit le mec qui te sort plus que 6 semaines avant les vacances. Ouais, mais on l'aime bien lui. Ah, il est cool. Ouais, mais il est un branleur généralement. Ouais, il est sympa. Il y a Ambre de Cholet qui nous a appelé. Bonsoir Ambre. Bonsoir tout le monde. Ça va chérie? Ça va et vous? Ouais, très bien. Tu vas rentrer en quelle classe toi? Quatrième. Cool. Quatrième, d'accord. Et alors, est-ce que tu as un hashtag pour nous? Hashtag à la rentrée, il y a toujours le ou la nouvelle qui se perd dans le collège. Ah, on va ouais dire que ça va être un peu mon cas. Ah, pourquoi tu rentres dans un nouveau collège Ambre? Oui. Ah, la tuile. Et pourquoi, t'as déménagé? Oui. D'accord. À Cholet, il y a 2 semaines de ça maintenant. Oula, à Cholet en plus, dur. Ouais. Arrête. C'est bien Cholet. Mais elle est tout le temps Cholet. Et la place travaux, tu vas voir, Ambre, c'est hyper sympa. Il y a des magasins. Non, arrête, t'es connu. Ouais, Cholet, c'est cool. Oui, c'est vrai, j'y suis déjà allée. Non, mais oui, Cholet, c'est cool. Excusez-moi, qui est allé à Cholet? Moi, bah, moi, à Cholet. Toute ma moi famille habite à Cholet. Et donc, tu peux me regarder dans les yeux et me dire que cette ville est cool. Mais oui, c'est Cholet, c'est cool. Il y a la place travaux qui est hyper sympa. Il y a Zara. Mais il y a Zara dans toutes les villes, ouais. Mais c'est pas possible. Non, je suis désolée. Cholet, c'est pas si cool que ça, c'est comme Laval. Ah si, c'est sympa, il y a Glycéo et tout, moi j'aime bien la piscine là-bas. Qu'est-ce que c'est Glycéo? C'est un grand complexe où il y a une super piscine et une super patinoire. Ça c'est pas mal. Et bah ça c'est hyper stylé. Bon, alors il faudrait que je retourne à Cholet pour peut-être être convaincue. Bon Ambre, tu sais quoi ma chérie, on te souhaite beaucoup de courage pour cette entrée au collège. Et je sais que beaucoup. Tu vas pas te paumer parce que de toute façon Cholet c'est pas bien grand. Oui. Le collège doit pas être bien grand. On t'embrasse merci très fort Ambre, bisous. Moi aussi gros bisous. Bisous. Ciao. Thibaut à la réa, est-ce que t'as un hashtag pour nous? Ouais, pour vas-y moi, hashtag à la rentrée, il y a toujours un redoublant au fond de la classe. Ah ça c'est vrai. Ouais, bah ce gars là c'était moi hein, clairement. Ouais, ça m'étonne pas. C'est vrai, t'as redoublé Thibaut? Ouais, j'ai redoublé ma seconde. Allez, top là, moi j'ai redoublé ma sixième. Hey, moi aussi j'ai déjà redoublé. Hein. T'as redoublé quoi? Ma quatrième. Eh mais les gars, on va pas s'auto-congratuler parce que. Excusez-moi les attardés, on peut continuer l'émission ou pas? Moi j'ai failli tripler ma seconde. Mais c'est pas possible. Non mais en fait c'est ma mère qui m'a. Je suis passé en troisième et elle m'a fait redoubler. Non mais qu'est-ce que c'est que cette équipe sans déconner? Ouais, alors après, redoubler parfois c'est vachement positif. Hein. C'est juste si vous avez un peu glandé dans l'année et tout, ça peut faire vraiment du bien. Et quand on vous donne le choix, parfois il faut le faire. Ah oui, moi, ma sixième, j'ai eu des super notes après, hein, ma deuxième année de sixième. Voilà. Genre des 13-14, quoi. Ouais. T'as déjà eu un conseil de discipline? Bah non, j'étais hyper sage. Personne dans ce studio n'a eu un conseil de discipline? Si, ouais, si, moi j'ai eu. Ouais. Pour mais quel gars motif? Non, c'est pas bien. Franchement, faut pas faire de bataille d'extincteur dans le lycée. D'accord, bon. Ah, moi aussi, j'avais rempli le gymnase d'extincteur. Ah, les gars. Et avec des pétards mitraillettes, on a eu partout. Mais c'est pas bien. Arrête, Amir. Mais c'est pas bien, il ne faut pas le faire. Mais alors pourquoi tu t'en parles? C'est ça? Arrêtez de donner des exemples comme ça. Ça va, c'était il y a 10 piges. On a Guillaume Amelin qui nous a appelé toujours pour le hashtag à la rentrée. Il y a toujours. Bonsoir Guillaume. Salut Mario, c'est Lenzo. Salut Guy. Ça va Guigui? Ouais, nickel, au top, en train de vous écouter. Bon, top. Bah ouais, je me doute, si t'es au téléphone, c'est que visiblement tu nous écoutes. Même aussi à la radio. Ah, t'es un amant bichon. Tu passes en quelle classe, toi? Moi, je passe en terminale. En terminale, d'accord. Et est-ce que t'as un hashtag pour nous? Ouais. Donc à la rentrée, t'as toujours une meuf qui casse les couilles à tout le monde pour changer de classe. Ah bon? Ah ouais, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Ah oui, parce que genre, elle est toute seule dans sa classe, et que ses copines, elles sont dans une autre classe, et du coup, elle fait chier tout le monde pour... Mais pour changer de classe et tout. Mais tu peux pas comme ça changer de classe sur commande. Si tu peux, parce que ça dépend si tu fais des options latin, options anglais, tout ça, non? Ouais, anglais international, tout ça. Faut avoir un cas spécifique, mais si tu veux juste changer parce que voilà, les gens te plaisent pas, non, c'est compliqué. Bon, ouais. Moi j'ai déjà changé une classe. J'ai déjà changé de classe. Mais c'est pareil, ils ont fait une lettre recommandée au proviseur et genre elle a changé de classe direct. Hein. Ah ouais? Ouais. Bah dis donc, elle avait le bras long. Bon, et bichon, si demain il y en a une qui veut changer de classe, tu nous rappelles et on s'en occupe. Okay. Meuf qui croit qu'il peut tout gérer. Guillaume, on t'embrasse très fort. Bisous mon Guigui. Bon, l'équipe, je vous propose quelque chose. Ouais. Demain c'est la rentrée, j'ai envie qu'on donne des idées de jeux aux gens. Tu sais, pendant les cours, tout ça, parfois tu t'emmerdes. Ah bah, à la récré. Non mais dans la cour. D'accord. Tu peux te faire chier. Et nous on a un truc, c'est le dans mon sac j'ai. Ouais. Ah ouais. On l'a déjà fait deux fois. Je vous réexplique la règle. Je commence, je dis dans mon sac j'ai, je donne un objet. On s'enchaîne avec Anso, avec Amir, avec tout le monde. L'idée c'est d'avoir de la mémoire et de se souvenir de tout. Ok. Ouais. Okay, d'accord. Mais les gars, à chaque fois qu'on y joue, vous rajoutez trop de mots. Donc là on met pas trop de mots. Ok. Non. Hey, un mot. Un mot. C'est parti. Marion, dans mon commence. Sac j'ai un cahier. Dans mon sac j'ai un cahier et une chèvre. Ouais. Dans mon sac, j'ai un cahier, une chèvre et un stabilo. Dans mon sac, j'ai un cahier, une chèvre, un stabilo et un marqueur. Dans mon sac, j'ai un cahier, une chèvre, un stabilo et un marqueur rouge. Dans mon sac, j'ai un cahier, une chèvre, un stabilo et un marqueur rouge qui fuit. Dans mon sac, j'ai un cahier, une chèvre, un stabilo, un marqueur rouge qui fuit. Avec beaucoup de bonheur. Dans mon sac, j'ai un cahier, une chèvre, un stabilo. C'est le bordel dans le sac. Un oui. Stabilo, ainsi qu'un feutre rouge. Non, non, oh, non. Éliminé, Enzo. Oh, non. Dans mon sac, j'ai passe-partout. Éliminé. Dans mon sac, j'ai un cahier, une chèvre, un stabilo rouge qui fuit. Non, t'as oublié un marqueur. Perdu. Oh, Marion. Dans mon sac, j'ai un cahier, une chèvre, un stabilo, un marqueur rouge qui fuit avec beaucoup de bonheur que j'aime me mettre dans les fesses. Oh. Dans mon sac, j'ai un cahier, une chèvre, un stabilo, un marqueur rouge qui fuit avec beaucoup de bonheur que j'aime me mettre dans les fesses avec papy. Non. Dans mon sac, j'ai un cahier, une chèvre, un stabilo, un marqueur rouge qui fuit avec beaucoup de bonheur que j'aime me mettre dans les fesses avec papy quand il fait l'amour à mamie. Arrête, ne sois pas. Dans mon sac, j'ai un cahier, une chèvre, un stabilo, un marqueur rouge qui fuit avec beaucoup de bonheur que j'aime me mettre dans les fesses avec papy quand il fait l'amour à mamie en chantant la Marseillaise. Dans mon sac, j'ai un cahier, une chèvre, un stabilo, un marqueur rouge qui fuit avec beaucoup de bonheur que j'aime mettre dans les fesses avec papy quand il fait l'amour à mamie. Et je sais plus. Moi non plus. C'est quoi que t'as dit? C'est moi qui l'ai dit, je me rappelle plus. Vous êtes vraiment trop forte. Ah oui, il chantait la Marseillaise. Oh là là, ça va trop là. Bravo Anso. Voilà, donc c'est un jeu très marrant que vous pouvez faire comme ça à la récré, partout, ça passe toujours. Et essayez de nous battre et filmez-vous, envoyez-nous vos vidéos pour montrer que nous ne sommes pas les seuls gens immatures sur cette planète. Restez avec nous, on fait de la radio ensemble là, en direct jusqu'à minuit, 01 42 48 5000. Et dans un instant sur Fun Radio, on va jouer ensemble avec le Wesh C'est Qui. Pour jouer avec nous, pour vous inscrire, Marion et Anso@funradio.fr. On se retrouve juste après Soprano, c'est En Feu sur Fun Radio, c'est bon ça. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tu me souris, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis le prince de la vie. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Le sol le salue, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait une passe et boum dans la nuit car je sors de la piste, je fais le grand écart de Van Damme. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau, j'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, rien que si tu d'Algérie à une coupe du monde au Brésil. Je suis en feu. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je suis en feu. Je sors de deux heures de sport, amène-moi des tirineurs. Je suis en feu. Comme ce grand blondiné énervé contre Freezer. Je suis en feu. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Je suis en feu. Tu m'appelais Kirikou, ce soir je suis John Covey. Je suis en feu. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Je suis en feu. Ou comme les trois petits à 6 heures du mat sur mon lit. Je suis en feu. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, rien. Si tu me parles, rien. Si tu me touches, rien. Sur le Night Show, c'est du dimanche au jeudi 22h minuit et j'aimerais vous dire qu'on a fait une vidéo là hier ou avant-hier hyper marrante avec Thibaut à l'arrière. Ça va Thibaut? Ouais, ça va. Thibaut, il a une spécialité, il s'est tombé sur commande, mais ce sont des chutes hyper impressionnantes. Hein. Ah mais oui, à chaque fois on flippe. Ouais, du coup, un peu cascadeur. On t'a envoyé dans la rue, bichon, aller faire flipper un peu les gens. Je vous cache pas que le résultat est assez surprenant. Il l'a fait partout. Je vous donne pas les endroits, mais il y a du magasin, il y a du passage piéton. Enfin, si je vous donne les endroits, du coup. Allez voir sur la chaîne YouTube Marion et Anso. Franchement, il est doué le petit. Et toi, t'es hyper doué en suspense. Merci. Wesh, c'est qui? Wesh, c'est qui? Le principe du Wesh, c'est qui est très simple. Avec oui. Marion et toute l'équipe du Night Show, nous allons vous donner 6 stars. Vous appelez papa ou maman et vous leur faites deviner au minimum 4 stars. Si vous avez 4 bonnes réponses, vous repartez avec votre iPad. Voilà, et vous avez une minute pour ouais. les faire découvrir, sachant qu'évidemment, là, papa ou maman ne peut rien entendre de ce qui se passe puisqu'ils sont avec le standardiste Yannick qui les occupe, qui leur dit des saloperies, donc ça se passe bien. Et c'est Lucien. Lucien qui joue avec nous ce soir. Bonsoir Lucien. Ah, c'est le bonsoir père. Les filles. Ça ouais. va Lucien? Ça va et vous? Mais qu'est-ce que c'est que ce prénom? Mais non, mais arrête Marion, les anciens prénoms ça revient hyper à la mode. Oui, c'est vrai, il y a de plus en plus de Colette, j'ai vu. Bah oui, Colette, Léon, Marcel, tout ça quoi. D'accord. Ah bon. Si, si, moi je trouve ça très frais. Tout le monde t'appelle Lulu, j'imagine? Oui. Oui, parce que c'est ancien, ça ne veut rien dire. T'as quel âge Lulu? J'ai 14 ans. T'as 14 ans, d'accord. Et du coup, c'est qui va jouer avec toi? C'est maman ou c'est papa? C'est ma mère. C'est maman, d'accord. Elle s'appelle Lucille. Bah écoute. Et donc, original. Et papa, il s'appelle comment? Ludovic. Ah, bah voilà. C'est génial. La famille d'élus. Et t'as des frères et sœurs? Oui, j'ai un frère et deux sœurs. Et alors, les prénoms? Lison, Léa et Lou. Ah, d'accord. Donc, c'est la famille des L, quoi. Oui. Ok, top. Bon, du coup, maman, est-ce qu'elle est douée? Elle s'y connaît un peu en personnalité publique jeune, là, ou pas? Non, pas trop. Il va falloir que t'essayes de lui faire deviner. Sois malin, mon pote. Tu peux utiliser plein d'exemples, dire tout ce que tu veux, d'accord? Ok. Alors, Lucien. Oui. Est-ce que t'es prêt? Tu as de quoi noter? Oui. Première star, c'est Omar Sy. C'est bon. Chaïm, la chanteuse. Bah, il y en a d'autres. On a, effectivement, Laurent Ournac. Comment? Alors, Laurent Ournac, tu sais, c'est celui qui joue dans Camping Paradis. Ok. On a Britney Spears. Ok, Brit. Comment ça s'écrit? Britney Spears. Britney Spears. Ok. On a Benjamin Castaldi. C'est bon. Et enfin, on a Enjoy Phoenix, la youtubeuse. Enjoy? Phoenix, comme, comme l'oiseau. Mais Lucien, rassure-moi, tu connais ces gens quand même? Non. Oula, d'accord. Ah merde, non, mais alors, tu connais qui? Bah, je connais pas Laurent. Je connais Omar Sy, Shine, Britney Spears, mais les deux autres, je ne connais pas. Alors, Benjamin Castaldi, tu connais? Non. D'accord, c'est un animateur télé. Laurent Ounak, il avait fait Danse avec les stars, tu sais, il était un peu gros, puis il est devenu maigre. Bah oui, mais t'as qu'à lui donner toutes les réponses aussi, qu'il va répéter à sa mère. Faut que je l'aide quand même. Bon, tu sais quoi, Bichon? Débrouille-toi. Essaie de retenir ce que je t'ai dit. Maman, elle les connaît forcément, d'accord? Ok. Allez, c'est parti, on accueille Lucille. Bonsoir, Lucille. Bonsoir, Lucille. Ça va, Lucille? Très bien. Bon, déjà, laissez-moi vous dire que votre fils est adorable. Ah ben c'est normal, c'est moi qui l'ai élevé. Et laissez-moi vous dire aussi que si vous êtes bonne ce soir, vous allez lui permettre de gagner un iPad. Ah ben j'espère qu'on va être performant alors. Je vous rappelle les règles, Lucille. Une minute, il doit vous faire découvrir 4 noms au moins. Concentrez-vous. D'accord, pas Lucien, de soucis. Lucien, Lucille, attention. 3, 2, 1, top, c'est parti. Il a fait... ouais, c'est qui? Il a fait... Intouchable. Omar Sy. Oui, c'est une chanteuse. Ouais, c'est qui? Chanteuse. Oui. Française. Qui. Elle est française, mon cœur? Oui. D'accord, ok. Céline Dion? Non. Elle est jeune. Oui, elle est jeune, elle est jeune. Elle danse? Oui. Oui. Il panique, Five. Oui. Oui. Il a fait Camping Paradis, il est devenu gros, il est redevenu mince. Ah oui, non mais alors là, comment il s'appelle? Je ne sais plus du tout comment il s'appelle. Laurent. Je sais pas. Laurent. Laurent. Ronac. Laurent, Ronac. Laurent, Ronac, vite. Laurent. Non, je sais pas. Oh là. Allez, Cognac. En plus, ouais, on bah aide non, à fond. Ah là là, c'est compliqué, mais il a bugué sur la chanteuse. Effectivement, fallait donner 2-3 infos à maman. Oh, sérieux, Lou? Ouais, bon, c'est pas grave, mon cœur, t'as bien joué. On rejouera plus tard. T'es déçu? Oui. Oh, Bichon. C'est pas grave, j'attends. C'est pas vraiment la faute de maman. Non, c'est pas vraiment la faute de maman. Mais bon, Lucien, il connaissait pas non plus toutes les stars. Moi, ça me fait trop de peine, hein, je vous jure. Bah, qu'est-ce que tu veux? Il peut pas avoir un bon. Il rejouera, c'est pas grave, il retentera sa chance. Lucille, attendez, parce qu'il y a Amir qui propose un petit joker. Ouais, ça m'embête qu'il perde, là, c'est alors, chiant, ça. Alors, c'est très simple, on va se le faire en one shot. Je vous repasse Yannick au standard, il va vous occuper. Je vais lui donner un dernier prénom, ok? Oui, et il aura 15 secondes pour vous le faire deviner, d'accord? D'accord, okay. Pas de souci. Allez, on récupère Lucien. Lucien, est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. L'équipe, vous avez une idée ou pas? Michael Jackson, tout le monde connaît. Tu connais Lucien Michael Jackson? Oui. Bon bah allez Michael Jackson. Allez mec. Hey, tu sais comment le dire? Enfin tu sais hein. Oui. Okay, bah Michael Jackson. Non mais. Elle peut dire un son de sa chanson ou pas? Ouais, de sa chanson ou pas? Oui. Tu peux dire tout ce que tu veux tant que tu le dis pas Michael Jackson. Ça va être facile. Hein. Allez, bon courage. Ouais bah faut qu'il y arrive. Qu'on me repasse Lucille. Lucille? Oui. Allez, c'est la dernière chance. Il a 15 secondes. Top, c'est parti. Okay. Ouais, c'est qui a building, a back my love. Michael Jackson. Oui. Cool. Alors Lucien, en tout cas, bravo pour cet accent anglais. Il est quasiment aussi parfait que le mien. Eh oui, il est bilingue. On vous envoie l'iPad à la maison. Bravo. Mais sachez, les bichons, qu'on fera pas ça tout le temps. Là, c'était exceptionnel parce qu'il nous a fait trop de peine. Hein. C'est gentil, merci beaucoup, merci Fun Radio. Merci beaucoup. Allez, on vous embrasse la famille, elle. Bisous, bisous, ciao. Bisous, bisous. Ouais. Au revoir. Ils faisaient de la peine. Ouais. Ouais, ils sont trop mignons. Dans un instant sur Fun Radio, on aura Thomas. Alors Thomas, il lui est arrivé un truc hyper spé. Oui. C'est-à-dire que sa nana lui a demandé de faire quelque chose pour lui prouver son amour. Ah. Non mais quand je vous dis que c'est un truc hallucinant, c'est que c'est vraiment un truc hallucinant. Genre, tu peux pas donner l'indice? Ah non, je peux pas. Ah si, je peux donner un indice. Vas-y. C'est une preuve d'amour qui se passe dehors, mais quand même dans une maison. Ah, j'ai envie de savoir là. Allez, cogitez, 01 42 48 5000. On parle preuve d'amour dans un instant, juste après Cib sur Fun Radio. This is not for your cries. This is all for your lies. Listen up for your mind. You're killing me over love. Listen up from your lies. Ooh. things you found. Sing me all the songs you loved. Can I sing them with you now? You're killing me over love. Your kisses are the only doubt. I'm missing out from your lies. Fun les bichons, parce que dans quelques minutes on va déjà se faire le pourquoi tu m'appelles avec du gros handicap ce soir. Alors moi j'en ai prévu un de ouf pour Anso, et Anso a priori on a prévu un de ouf pour moi. De malade. Donc on verra ça là, 01 42 48 5000 si vous voulez jouer. Et on aura aussi Thomas. Thomas, il est en galère. Sa meuf lui a demandé une preuve d'amour de ouf. Elle lui impose quelque chose en fait. On va pas tout vous dire maintenant, mais elle lui a fait une demande. Et s'il la fait pas, eh ben son couple est en péril. Donc si vous voulez réagir là sur les preuves d'amour, 01 42 48 5000. Et là tout de suite, eh ben on a Laura au standard. Ouais, Laura, elle appelle de Chamonix. Bonsoir les filles. Bonsoir la montagne. Salut à tous. Bonsoir. Ça va Laura? Ça va. Ouais, ça fait plaisir. T'as le sourire, t'as la patate, tout va bien. Ouais, c'est sympa les gens comme ça. Dis-nous, qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien écoute, j'en ai un petit peu marre de mon copain, parce qu'en fait, il adore le PSG, c'est un fan, mais inconditionnel, mais vraiment un ultra, quoi. Et le truc, c'est qu'il a jamais été voir de match, du PSG, enfin, il est à fond, enfin, voilà, quoi. Alors, tu veux dire qu'il est complètement fan du PSG, mais que par contre, il les a jamais vus? Ah total, mais ouais, c'est exactement ça. Enfin, il a jamais pris la peine d'aller au stade. Voilà, Chamonix, c'est pas non plus. Enfin voilà quoi. Enfin, c'est pas comme s'il était à Paris quoi. D'accord. Et il fait des trucs de ouf par rapport à ça ou pas? Eh mais totalement en fait. Ah bah, tu sais quoi, Bichette, ne nous dis pas. Garde ça pour dans un instant, d'accord? Tu nous diras ce qu'il fait de complètement ouf par rapport au PSG. Et vous aussi, là, vous nous appelez si jamais vous avez une passion comme ça, un petit peu envahissante, ou si vous vivez avec quelqu'un qui a une passion chelou. L'équipe, il y a de la passion ou il n'y a pas de passion? Oh là, mais moi, il y a de la passion. Il y a même du fruit de la passion. Oh, mais tais-toi! Et vous savez quoi? Bougez pas, je vais lui casser la gueule. La radio numéro 1 sur les nouveautés. New music. C'est Fun Radio. Salut, c'est Martin Solveig sur Fun Radio. Major Lazer. The Parakeet. Salut, c'est DJ Snake. Fun. DJ Snake et Justin Bieber. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Écoutez Fun Radio. Écoutez Fun Radio. Fun Radio. Partout dans le monde, sur funradio.fr. Tomorrowland présente The Elixir of Life. La compilation 3 CD mixée par les meilleurs DJ. Armin Van Buren, Axwell Ingrosso, Dimitri Vegas and Like Mike. Lost Frequencies, Martin Garrix et Yves V. Tomorrowland, The Elixir of Life. Disponible maintenant. Fun Radio. Fun. Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. C'est David Guetta. Salut, c'est Amir. C'est Soprano. 1-2-1-2, moi c'est Black M. Dites donc, j'ai vraiment l'impression que c'est The Place to Be, le Night Show. De 22h à minuit. Sur Fun Radio. Et je ne vous dirai rien, mais l'un de ces artistes va bientôt venir dans le Night Show. Ah. Oui, à vous voilà. De le retrouver. Voilà, bonne chance, parce que j'ai déjà oublié le nom des artistes qui sont passés, mais bonne chance à vous. Bon, on était avec Laura qui nous racontait un peu la passion envahissante de son chéri. Il est fan du PSG, sauf qu'il les a jamais vus jouer. Voilà, il est juste fan à travers la télé. Et du coup, chéri, t'habites Chamonix, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, mais alors, du coup, Laura, tu dis que c'est un ultra, mais par exemple... mais par exemple, c'est quand il est en train de regarder un match, il y a un but, il sort le fumigène, il se fout au balcon, il y en a plein l'appart, enfin, avec ses potes, il saute sur le canapé en chantant des chants de supporters, que des trucs comme ça, quoi. Quand ils perdent, ils me disent non, vas-y, dégage, tu me mets des ondes négatives, que des trucs comme ça. Mais parce que tu l'engueules aussi, non? Non, mais en même temps, j'ai envie de te dire, il me bouffe un petit peu ma vie, tu vois. Ouais. Il m'a mis des fanions du PSG partout sur ma voiture, il m'a collé des autocollants. Quand on va se coucher le soir, s'il te plaît, on se couche dans des draps PSG. Enfin, j'en ai partout. Yannick au standard nous a dit là pendant la pub que le mec s'était tatoué. Ah mais non, ça c'est son projet en fait. Il veut se faire un super gros tatouage en fait d'omoplate à omoplate avec le logo du Paris Saint-Germain. Pas possible ça, hein. En fait, je l'aime, il n'y a pas de souci, hein. Mais c'est un peu trop quoi. Non mais alors déjà c'est un très très bon sujet de confession intime. Oui. Faut quand même le préciser. Ouais. Non mais franchement, pourquoi il est à fond comme ça? Parce que moi je peux comprendre qu'on supporte une équipe et tout, mais de là à se faire tatouer, et si dans 10 ans il a plus envie de les supporter, il va faire comment? C'est ça, bah lui ça a commencé il y a à peu près 2-3 ans à peu près quand Paris Saint-Germain a commencé à gagner, mais avant il était pas du tout foot. C'était le gars qui était devant sa PlayStation et mais voilà, du coup t'imagines si le PSG commence à perdre, Puis par exemple, ça devient un club français qui est quand même un peu moins bon parce que c'est cyclique tout ça. Eh ben oui, c'est pour ça. Mais comment il va faire? Il va se... J'en ai aucune idée, mais c'est surtout que c'est surtout très imposant dans sa vie, quoi. Ouais. Biche, il faut absolument... Là, alors, je te dis pas de lui poser un ultimatum, on n'en est pas là, mais il faut absolument que tu lui parles et que tu lui dises sincèrement que toi, ça commence à te gonfler, que t'as pas épousé le PSG, que t'as épousé ton chéri, tu vois, et que t'as envie que ça s'arrête. Il peut supporter, il peut regarder les matchs, il peut taper des délires avec des copains, mais les draps PSG et les fumigènes là dans le jardin... Et puis non. Les vidéos de YouTube, c'est ta journée de matchs, de vidéos de supporters et compagnie. Oh. Moi ça m'arrive, il m'appelle, il me fait oui, il me fait allô, il me fait ici c'est, et si je réponds pas à Paris, il me tape un scandale. Mais si, moi il me l'a déjà fait dans un magasin. C'est génial, c'est hyper drôle. Mais Laura, est-ce que t'as essayé la grève de sexe? Oui, mais il s'en fout puisqu'il regarde ses vidéos en fait. Non mais Non mais là il faut que tu prennes du recul, tu vois. Là je sais qu'on en rit et tout, mais ça doit être invivable pour toi. C'est ça, c'est exactement ça, c'est invivable. Mais de toute façon malheureusement, moi je suis pas pour l'ultimatum non plus, mais ça va se terminer comme ça. Hein. Et si tu achètes des draps à l'LOM? Je pense que là, comment dire, je crois que je suis plus là. Mais c'est clair, il va m'oublier, il va me dégager de l'appartement quoi. Bon chérie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander aux auditeurs déjà s'ils ont des conseils pour toi. 01 42 48 5000 numéro gratuit. Et surtout si vous aussi vous vivez avec quelqu'un comme ça qui a une passion mais complètement débordante, envahissante, appelez-nous déjà, ça va te rassurer. On est d'accord? Oui, c'est sûr. Parce que moi j'ai pas. Alors moi j'ai une passion mais c'est un peu différent, c'est mon métier, tu vois, c'est la radio et je sais que dans le passé, ça a pu me poser des problèmes parce que il m'arrivait de faire des journées genre de 9h à 2h du mat à la radio et du coup de laisser complètement ma vie privée de côté ou de parler que de ça, tu vois, d'être voilà, quand tu fais ouais, moi aussi. Quand tu vis de ta passion, parfois c'est compliqué pour ton entourage, mais c'est pas à ton point quoi, tu vois. Moi, j'avais quand même des week-ends et j'étais pas folle. Ouais, mais ouais, tu gagnes ça. Un salaire. Oui, c'est vrai. Lui, il gagne pas de salaire avec ça et en plus il travaille pas, donc au final il passe ses journées qu'à ça. Il cherche pas de boulot à côté. Ouais, non, mais là non, enfin, c'est grave. Si son rêve ça serait d'aller travailler, je sais pas, pour le Paris Saint-Germain, mais c'est Chamonix, c'est Paris quoi. Enfin voilà. Ouais, ça va pas être pratique. Mais pourquoi il fait pas des paris du coup? Mais que il est bien dans son petit confort quoi. Mmh. T'as raison, Anso, c'est complètement confession intime cette histoire. Mais complètement. Anso, justement, est-ce que toi tu as une passion un peu envahissante? Je crois pas, hein, te connaissant. Non, j'ai pas de passion. Bah, Wacha, hein, si, ça peut être une passion. Oui, alors c'est vrai que Anso est capable de planter un rendez-vous, un ciné par exemple, pour s'occuper de Wacha. Bah, si elle est malade, oui, évidemment, je vais pas la laisser seule malade. Après, ça, c'est normal. Si non, même si elle est pas malade, genre, si ça fait plus de 6 ou 7 heures que tu l'as pas vue, t'as pas envie de la laisser seule. Non, pas 6 ou 7 heures, mais si je la laisse seule. Genre par exemple cette semaine où je suis arrivée très tôt à la radio tous les jours et je rentre tard, ce week-end, tu peux être sûr que samedi et dimanche je bouge pas quoi. Voilà. Ah, c'est envahissant. Ouais, mais bah, de toute façon elle, je vis chez elle. Hein. Oui, mais je suis obligée de frapper avant d'entrer pour rentrer chez moi. Hein. Est-ce que tu penses à ton nouveau mec Paul? Bon, comment il va le prendre quand il va savoir que tu privilégies Wacha à lui, hein? Non mais je sais pas, déjà faut qu'ils se rencontrent et puis faut voir si ça match aussi entre Paul et Wacha. Paul c'est le mec qui est venu hier. Oui. Et c'est ça Thibaut, merci de suivre. Tu nous remets ou pas? Bon chérie, on a du monde pour toi au standard, on va trouver une solution, ne t'inquiète pas. Il y a Antoine qui est à Toulouse, bonsoir Antoine. Salut les filles, ça va? Oui ça va et toi, toi nous? Ça va très bien. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu voulais nous raconter ce soir? Alors moi en fait c'est ma sœur qui a une collection particulièrement casse-couille. Elle est glycophile. Qu'est-ce que c'est? Attends, alors, un indice, il y en a une d'entre vous qui peut pas supporter cette collection. Ah, le lait? Bah non. Non. Non. Bicophile. Non, glycophile. Glycophile. Glycophile. Glycophile. Attends, donne-nous un indice, Antoine, je veux qu'on devine. Ça se trouve dans tous les restaurants. Dans tous les restaurants, il y a une phobie. Et c'est Anso ou moi qui peut pas supporter? Le sucre. Je vous laisse deviner. Le sucre? Voilà. Ah! C'est les petits paquets de sucre. Ah, donc elle les collectionne. Voilà, sauf qu'elle en a beaucoup. Trop. D'accord, mais ça sert à quoi ça? Bah, c'est une collection comme une autre, sauf que c'est casse-couille parce que ça prend une place monstrueuse et que si t'as le malheur d'en toucher un, elle te hurle dessus quoi. Mais tu sais, c'est comme toutes les collections, Marion. Hein, t'as jamais collectionné? Moi, je collectionnais les cartes téléphoniques pendant une époque. Bon, maintenant, je veux dire, ça c'est beau, mais les paquets de sucre, ah, c'est. Oui. ça sert à rien. Bah si, ça sert si tu l'utilises, tu vois, mais si tu le laisses dans le paquet fermé, aucun intérêt de collectionner ça. En plus, c'est tous les mêmes. Non, mais et les gars, Antoine... Non, t'en as des différents. T'as des restaurants qui font des personnalisés, t'as des fois des entreprises qui font des personnalisés, donc t'as des choses différentes. Mais non, mais le truc, c'est que tu prends ton café le matin, tu mets ta main sur l'armoire, t'en touches un, tu te fais scalper, quoi. Non, mais Antoine, de toute façon, et Marion, chaque collection n'a aucun intérêt. À quoi bon ça... Quel est l'intérêt d'avoir, par exemple, 300 pins? Dis-moi donc l'intérêt. Bah, à moi de les porter tous en même temps, l'air con. Ouais, ça le jour où tu les revends, ça vaut de l'argent. Il a raison, et c'est joli, et tu peux les porter sur toi. Bon, alors c'est un mauvais exemple, mais il y a bien... Amir, trouve-moi un exemple d'une collection qui ne sert à rien. Vraiment à rien. Ah, vraiment à rien? Ouais. Des timbres? Bah si. Bah, ça vaut des thunes. Bah, ça vaut des thunes. Si beau à l'aria. Genre les capsules de bouteilles de coca ou les capsules de bouteilles de bière. Voilà, ça, ça sert à rien. Et pourtant, il y a des gens qui le font. C'est vrai. Bon bah voilà, comment elle s'appelle ta sœur, Antoine? Elle s'appelle comment ta sœur? Clémentine. Clémentine. Bon. Bon bah Clémentine, Clémentine, on va avec le mec de Laura, on va vous envoyer à couper sur un team. Ah non, pas du porteur de pêche dans la famille, pas ça. Non, mais en même temps, elle fait de mal à personne, la bichette, tu vois, laisse-la tranquille, c'est son kiff. Franchement, elle est casse-burne, elle prend des armoires entières, et puis dès que tu touches, elle te gueule dessus, franchement, c'est. Mais attends, j'ai qu'une envie, des fois, c'est de tout jeter. Mais Antoine, tu vis avec elle? Ah non, elle habite chez mes parents, heureusement moi j'ai mon appart, mais... Bon bah alors, laisse-la kiffer. Ah mais c'est casse-couille. Bon, on comprend Bichon, mais en même temps il y a pire, elle craque pas des fumigènes dans le jardin, elle. Non, c'est sûr, encore heureux. On t'embrasse. Et elle supporte pas le PSG. On t'embrasse Antoine et embrasse Clémentine. Allez, merci. Ah mais attends, et Antoine, t'as pas vu le PSG, on sortit des sucres PSG? Oui, tu vas voir, on va m'envoyer à Clémentine. Non. Bisous Antoine. Bisous. Bisous. Il y a Fanny aussi à New York, bonsoir Fanny. Salut les filles. Coucou. Ça va Fanny? Ouais, ça va pas mal. À part que j'ai un mec, c'est un dos à lui tout seul, mais sinon ça va. C'est un quoi? C'est un dossier à lui tout seul, mon copain, mais sinon ça va. Ah, pourquoi? Ah bah parce que lui, il est bistrophile. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Je vous laisse deviner. Alors, bistrophile, est-ce que c'est une collection de quelque chose? Ah oui, c'est une collection, et ça... Mais ça a rien à voir avec les bistrots. Ah, ça a tout à voir avec les bistrots. Est-ce que c'est les sous-bocs? Oui. Ah bah entre autres, si avec les sous-bocs, tu vois encore. Mais le problème, c'est qu'il collectionne tout, mais alors tout ce qu'il peut trouver dans un bistrot. C'est-à-dire les sous-bocs, les verres, les nappes, les capsules de bière. Enfin, tout ce qui ramasse dans les bistrots, quoi. C'est-à-dire qu'on avait un bureau et c'est devenu une succursale de PMU, quoi. c'est un enfer. Mais pourquoi? Comment ah, c'est mais devenu? Je ne sais pas. Ah, bah, parce que, en fait, il a commencé par un verre qu'il a ramené, puis un sous-boc, deux sous-bocs, et puis la nappe qu'il trouvait jolie parce qu'il y avait une carte sympa. Ouais, mais en fait, Fanny, ça s'appelle de la kleptomanie, à un moment donné, c'est du vol. Oui, c'est un peu le problème aussi, c'est qu'il me fout un peu la honte par-dessus le marché. Ouais, mais là, le problème avec ces choses-là, c'est qu'on peut rien y faire. Quand les gens sont passionnés et collectionnent, qu'est-ce que tu veux? Tu les rends malheureux, en fait, si tu leur retires ça, tu vois? Je pète des verres très régulièrement. Ah ouais, mais ça, c'est pas bien. Il doit chouchonner. Non, bah non, mais attends, il a détruit mon bureau, quoi. Ça devait être un bureau pour nous, mais total, je te dis, ça, PMU. Mais Fanny, Laura, sinon, ça vous dit pas de devenir lesbienne? De quitter vos mecs? Non, mais les filles, il faut absolument raisonner vos mecs, c'est-à-dire leur dire, il n'y a pas de souci, tu peux être fan, je comprends, je peux même partager ta passion. Par exemple, un jour, on ira voir ensemble un match du PSG. En revanche, t'arrêtes de me saouler H24, quoi. Et c'est exactement ça, les filles. Marion a raison, il faut que vous y alliez par compromis. Exactement. Tu vois, Fanny, par exemple, tu acceptes de voler une tireuse à bière. hyper discret. Ici, il enlève certains trucs du bureau. Et toi, Laura, pareil. Tu vois, chacun fait un pas vers l'autre. Moi, ça va être vraiment compliqué. Hein. Alors, justement, Fanny, ma belle, on va te faire de gros bisous. Merci de nous avoir appelés. De rien, les filles. Gros bisous et continuez comme ça. Bisous, chérie. C'est ici chez toi, ma belle. Et alors, chérie, Laura, on va faire un truc si t'es d'accord. Oui, est-ce que tu penses qu'on peut appeler ton mec? Je pense qu'on peut essayer. Je vais te repasser deux secondes, Yannick, au standard. Tu vas donner le numéro et on va essayer de le raisonner, nous, parce qu'avec Anso, on a un certain pouvoir comme ça, de fascination. Il n'y a pas de souci. Bah, ça va lui mettre la pression. Ouais, par contre, Marion, méfie-toi, mais je crois que tu me surestimes. Hein. Non, mais si, il n'y a pas de souci. On va essayer de voir. Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme argument? Le PSG. On peut lui donner des, je sais pas, genre des chiffres. Et comment ça? Bah, des numéros des maillots, quoi. Des numéros des maillots. Mais non, mais mec, le but c'est de le raisonner. Mais oui. Ah, d'accord. Mec, il veut qu'on joue avec. Mais il est cool. Attention, Amir a envie de se faire un nouveau copain. C'est bon, mais là, les bichons. On peut pas, genre, demander. Mais j'ai envie de tester pour voir si c'est un vrai fan. Parce que d'accord. Moi, je soutiens le Parisien. Bon. Et le PSG, pardon. On l'appelle. Il s'appelle comment au standard? Il s'appelle comment, Laura? Nico. Nico. Nico. Allez, on appelle le foufou. On appelle le nini. On appelle le coco. Et venez, quand il décroche, on dit allez, allô. Non, on lui dit c'est qui? Ici, c'est qui? Ouais. Okay. Ici, c'est? Ok. Ok. Allô? Ici, c'est? Paris! Ah Allô, Nico? Ouais, c'est qui? Bonsoir, c'est Marion et Anso et toute l'équipe du Night Show. T'es en direct sur Fun Radio. Ah ouais, d'accord, comme ça, brutal. Ouais, brutal. En fait, je t'explique, on est avec ta chérie qui est en ligne aussi. Ouais. Qui nous a appelé pour nous parler de ta passion pour le PSG. Ouais. Alors la première chose, on a envie de jouer avec toi parce que Amir veut vérifier si tu es un vrai fan ou pas. Ouais. Amir, vas-y, fais-toi plaisir, donne alors, ton numéro. Qui est le numéro 2? Attention, toi. C'est Thiago Silva. Okay. C'est ça? Ouais, c'est lui, c'est lui, ouais. Ok. Le numéro 5. C'est Marquinhos. Ok. D'accord, ah, vas-y, chaud. Et le numéro 12. C'est Meunier, Thomas Meunier. C'est ça? Il est bon. Ah ouais, mais il est fan, il est ultra. Eh, hey, Nico. Ouais. Ici, c'est. Paris. Attends, parce que il y a mes voisins qui gueulent là, en fait, j'ai arrêté de crier par contre. Non mais attends, justement parce que tes voisins gueulent parce que tu cries Paris, mais comment ça se passe au niveau du fumigène, Nico? Ah, le fumigène, ouais, c'est un peu pareil hein. Ils m'engueulent aussi, mais bon. Non mais Nico, c'est la base. Nico, on va se parler, on est des meufs, je vais te dire un truc. Tu veux la garder ta chérie, tu l'aimes? Bien sûr. Bon, alors tu peux continuer à supporter le PSG, mais va falloir se calmer un chouïa. C'est-à-dire que être fan, c'est pas un problème. Regarder les matchs, c'est pas un problème. À la limite, les vidéos YouTube, c'est pas un problème. Mais vire-moi ces draps PSG parce qu'elle, elle a pas du tout envie de dormir là-dedans. Et puis, alors Nico, je vais te dire, moi en tant que nana, j'ai pas du tout envie qu'on me fasse l'amour dans des draps PSG. Hein. Exactement, et je pense que tu pourras largement t'en passer. Et arrête les fumigènes, tout ça, s'il te plaît. Ah mais c'est une vie, on est supporter ou on l'est pas en même ouais, temps. Ouais mais mec, mais change pour un briquet, oh, évolue un peu Nico. Hein eh, il faut faire des compromis chérie, déjà elle accepte ta passion, elle est bien gentille. Elle t'impose pas ce genre de truc, elle est fan de rien tu vois. Ouais mais moi je l'accepte elle aussi. Pourquoi elle accepte pas ma passion? Bah t'acceptes quoi? Elle t'impose rien. Ah ouais mais bon, on me prend avec ma passion, on me prend pas du tout. Non mais attention, elle t'a pris, t'étais pas comme ça hein. Elle a dit t'étais pas fouteux et t'es devenu fan, donc c'est pas pareil. Ouais mais depuis que j'ai connu le PSG... C'est ma vie maintenant. Donc c'est t'es pas ça. Du tout prêt à faire un effort pour elle pour lui faire plaisir. Un petit effort. Mais elle veut pas du tout accepter ma passion. Mais si elle veut. Mais Nico, je comprends pas. T'es en train de dire que à t'écouter, c'est comme si tu devais choisir entre Laura et ta passion, tu choisis ta passion. J'hésiterais en tout cas. Oh non, ça c'est mais vraiment tu viens nul. De faire une grosse blague. Mais je l'aime quand même. Laura, qu'est-ce que t'en penses à ça? Franchement, ça me met vraiment des doutes là. Bah ouais, non. Mais je t'aime chérie, je t'aime quand même. Ouais mais non mais faut que tu réduises un petit peu, tu vois, que tu me laisses au moins, tu vois, la chambre où c'est neutre, parce que tu vois, entre la voiture qui est plein d'autocollants, l'appart, tout, enfin, pour moi me laisser un petit peu, tu vois. Elle a raison. Les draps je peux pas, les draps c'est pas possible. Non mais si, mais si tu dois choisir. C'est simple, c'est soit tu prends le lit avec tes draps PSG, ou soit tu prends le lit avec moi dedans, faut que tu choisisses. Ou alors on déménage à Marseille. Ah non, attends non. Alors Nico, Nico fais un effort s'il te plaît. Bon je vais bien essayer de faire une croix sur les draps en tout cas. Ouf, c'est première victoire. Ouais. Et puis mais pas les fumigènes. Ah mais ça, pourtant j'allais y venir parce que c'est une question de sécurité mec à un moment donné hein. Ouais je fais attention quand même. Toujours en extérieur. Tu sais quoi, on a déjà fait un petit pas. Et c'est vraiment de réfléchir à ça parce que je pense qu'un jour tu vas t'en mordre les doigts. C'est-à-dire qu'un jour elle va saturer, elle va se barrer et tu vas te retrouver tout con toi avec tes joueurs du PSG. Qui ne te connaissent même pas, hein, je te le rappelle, Nico. Hein. Et puis, c'est pas avec eux que tu vas dormir dans tes petits draps du PSG, en plus. Hein. C'est vrai. Tu réfléchis à tout ça, mon Nico? Ça marche, merci. Bon, moi, je viens faire un effort aussi. Ah, elle est mignonne, elle. Hein. Ouais, ah, super, chérie. Pour ton anniversaire, on ira voir un match tous les deux à Paris. Oh, c'est la meilleure, ma puce. Oh, Eh, Nico, un dernier coup. Ici, c'est. Paris. On vous embrasse les deux. Bravo, bravo. Gros bisous les chéris, on vous embrasse. Ils étaient trop mignons tous les deux. Puis alors, Laura, elle en peut plus. Puis deux secondes après, elle se retrouve au Parc des Princes. Ça veut dire que, excusez-moi, mais juste qu'on débriefe deux secondes. Son mec a quand même dit qu'il hésiterait entre elle et le PSG s'il avait à choisir. Et ça pose aucun problème à Laura. Bah si, elle, si elle, ça lui met un doute l'espace de 30 secondes. Bon, en tout cas, s'ils sont heureux comme ça, c'est le principal. Ouais, c'est ça, elle est amoureuse. Et puis c'est ça, moi j'ai envie que les gens soient amoureux, allez. Et puis venez nous dire que vous êtes amoureux de nous. 01 42 48 5000 pour nous déclarer votre flamme. Il y a le Pourquoi tu m'appelles qui débarque là dans un instant, ne bougez pas. Il y a vos packs de t-shirts Whoop à gagner. Puis on se retrouve juste après Jennifer Lopez. Je crois que je me lasserai jamais de ce morceau, il est trop bon. I ain't gonna be cooking all day, I ain't your mama. I ain't gonna do your laundry, I ain't your mama. No, I ain't your mama, no. I ain't your mama, no. Wake up, arise and shine. Oh yeah, yeah, yeah. Let's get to work on time. Ensemble en direct là jusqu'à minuit comme tous les soirs. Et tout à l'heure j'étais sur la page Facebook de l'émission Marion et Anso, j'étais sur les MP et vous êtes hyper nombreux à m'avoir demandé comment on fait pour participer à Marion et Anso Opération Bahut. Et bien c'est simple, vous envoyez soit un mail à marionetanso@funradio.fr, vous mettez vos coordonnées, prénom, âge, ville, votre lycée, pourquoi vous voulez qu'on vienne, votre collège, enfin là où vous êtes quoi. Ouais. Ou alors sur Twitter ça marche aussi avec le hashtag Marion et Anso Opération Bahut. On fait tout ce qui est collège, fac, lycée, etc. On va pas encore en maternelle parce que c'est malsain. Hein, tout simplement. Pourquoi tu m'appelles ? Bah, je vous appelle pas. Ne me fais pas chier. Vous êtes qui, là, pauvre con ? C'est dans le Night Show sur Fun Radio. Oui, c'est chez nous que ça se passe tous les soirs aux alentours de 23h. Le Pourquoi tu m'appelles ? On vous offre cette semaine votre pack de fringues de la marque Whoop. C'est chambé, hein ? Hyper sympa et surtout, on passe un bon moment ensemble à l'antenne parce que c'est toujours marrant comme ça de se défier. Oui, c'est vrai. On joue avec Kevin ce soir. Bonsoir, Kéké. Bonsoir. Ça va, Kevin ? Bien et vous ? Alors, Kevin, on veut tout savoir. Tu as quel âge ? Tu habites où ? Tu fais quoi dans la vie ? Est-ce que t'as une meuf ? Non, malheureusement. Ah, bon. Et le reste ? Le reste, j'ai 23 ans et je suis informaticien. D'accord. Et tu habites où ? À Épouville, dans le 76. Épouville. Épouville, donc. Mais qui a inventé cette ville ? Alors ça, tu lui poseras la question. Et comment on appelle les habitants d'Épouville ? Les Épouvillais. Les Épouvillais, d'accord. Et bah tu vois, on vient d'apprendre un truc. Alors tu veux jouer contre qui, jeune Épouvillais, ce soir ? Contre Marion. Ok. Ok. Alors Kevin, pour que ce soit plus simple, je vais donner un handicap à Marion et pas des moindres. Oula. Mm-hmm. Puisque tout le monde le sait, c'est aujourd'hui la journée mondiale du ping-pong. N'importe quoi. C'est quoi cette blague ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? En fait, j'ai une balle de ping-pong avec moi. Oui. Comme tout un chacun le sait, je l'ai toujours avec moi. Tu vas devoir faire un Pourquoi tu m'appelles en l'ayant dans la bouche. Oh. Non mais ça va me donner envie de vomir, tu sais. Bah justement, moi quand je mets quelque chose dans la bouche, ça me réussit pas. Bah, on va pas être ton mec. Bon, Kevin, Kevin, il a fait un bruit mais d'outre-tombe. Kevin, tu bouges pas, on laisse Marion commencer comme ça t'as une jauge. Allez, ouais, bouge pas. Évidemment, cette vidéo sera en ligne sur YouTube très prochainement. Parce que voilà. C'est visuel cette histoire. Attends, je mets la balle. Ta dignité va partir. Oh mon vomère. Mais non. Allez. Oui. Ouais, allô. Allô. Allô. Oui. Oui. Pourquoi tu m'appelles? Comment? Pourquoi tu m'appelles? Je comprends rien du tout ce que vous me dites. Ouais, le con est simple. Pourquoi tu m'appelles? Allô. Oui. Oui. Bonsoir, madame. Alors. Et on va bien savoir pourquoi. M'a fait. Pourquoi qu'on m'a fait? Parce que c'est comme ça. Moi, j'ai commencé à dormir. Et là, vous. Oui. Moi, j'ai pas la souhait. Oui. Et. J'ai décroché. Et là, je compte sur vous. Oh, mais c'est chiant. Ah, mais c'est terrible. Non, mais c'est horrible, hein, en vrai. On ne comprend rien. Moi, j'ai pas du tout compris ce que tu lui as dit. Hein. Mais moi, j'ai pas compris ce que je lui ai dit non plus. Excuse-moi, j'avais une balle dans la bouche. Non, mais attends, Thibaut, combien de temps elle a fait? On a fait 50 secondes. Et franchement, c'est pas mal. Hein. Ouais. C'est pas mal, mais j'ai vraiment eu des hauts de cœur. C'était horrible. Et surtout, la balle est tombée par terre. Ils me l'ont redonnée, quoi. Dégueulasse. Bah oui, forcément. Oh. Et je te dis pas où je l'avais mise avant. Oh, oh, non. Alerte glamour. Non. Kevin, tu n'as pas de handicap, tu y vas avec ta fraîcheur et toute la ville d'Épouville est derrière toi. Ça va. Ok, Kevin. Pas de soucis. Épouville. Épouville. Épouville. Épouville. Épouville. Bonne chance, Kéké. Merci. Allô. Oui, allô, pourquoi vous m'appelez? Bah, je sais pas, c'est vous qui m'appelez. Ah non, je suis désolé, j'ai reçu un appel de votre part il y a quelques instants. Ah non, bah, ça surtout en masqué. En plus, j'ai un vieux téléphone, donc j'attends des appels très importants. Donc, je pensais que c'était une personne de mon entourage. Ah, bah non, excusez-moi, parce que je ne connais même pas votre numéro. Ça a sonné chez moi, je réponds, c'est tout. Bah, vous êtes d'où, madame? Pardon? Vous êtes d'où? Bah, je suis du Calvados, pourquoi? Bah, parce que j'attends, c'est un appel du Calvados, malheureusement. Ah, bah oui, mais. Vous habitez où, madame, dans le Calvados? Ça ne regarde pas, hein, puisque c'est beau. Moi, tout ce que je sais, c'est que je viens d'avoir un coup de fil et je réponds. Ah bah oui, vous êtes numéro, donc je vous en remercie. Je sais pas qui c'est. Je vous remercie d'avoir décroché. Je suis en train de manger, hein, au revoir. Ah bah madame, excusez-moi. Vous mangez quoi? Elle est partie. Allô? Ah, elle est partie. Elle est partie. Mais, excusez-moi, mais elle mange très tard cette femme. Mais t'as pas l'impression qu'elle était un peu bourrée? Bah si. Combien de temps il a fait, mon pote, à l'arrêt là? Là, il a fait 58 secondes. Ah bah, disons. Et moi j'avais fait combien? 50. 50. C'est gagné. Ouais. Tu sais quoi, ça c'est parce que tout Épouville était derrière toi, ils étaient vraiment avec toi Kevin et on est fiers de toi pour ça. Je te remercie. On t'envoie les fringues, whoop mon pote, et puis bah surtout tu rappelles quand tu veux, on passe un bon moment ensemble, on te kiffe. Bah avec plaisir, j'aurais bien aimé être là à Évreux le week-end dernier, mais malheureusement ce n'était pas possible. Mais tu sais quoi, on va se balader un peu partout comme ça dans la France, on va se rencontrer mon kiki. Bah pas de soucis, vous m'envoyez une invitation, moi je peux débarquer à Paris, c'est pas un problème. Bah, oui. Ah mais attends, mais t'es bienvenue quand tu veux bichon, hein. Y a pas de problème. Hein. Pas de soucis. Et qu'on se fait des câlins et tout ça, puis on en parle plus. Allez, on t'embrasse mon Kevin. Ça marche, allez, bisous. Salut. Ciao. Dans quelques minutes sur Fun Radio, il va y avoir du très très gros dossier. Déjà, ne manquez pas le je te demande pardon de tout à l'heure, parce que là, je sens que ça va être très compliqué. Gros dossier à gérer ce soir, Anso. Oula. Je t'en dis pas trop, même si t'es au courant, puisque t'as préparé cette émission. En gros, il va y avoir de l'alarme, il va y avoir du cœur brisé, mais on sera là pour rattraper le truc. On parlera cul aussi tout à l'heure avec Cédric, qui a découvert sa bisexualité, c'est compliqué tout ça. Mais là, pour le son, tout de suite, on s'écoute. Le son de l'été pour moi, c'est Ken Jones. Mais qu'est-ce qui m'excite, celui-là? Hola. She telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, come on, star. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go. You know I love them all. She said, hola, come on, star. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go. You know I love them all. African American, for sure. Told her, baby, come and ride the rodeo. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, the fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she said, sabase. And I said, na bule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she said, sabase. And I said, na bule. No matter where I go, go. You know I love them all. She from Africa. But she fuck me like she Haitian. Ass black, but the miles looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape, she on candid camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina, she from Arizona. Then I met a girl in Cali, I never disown her. She got that high grade, her weed come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. 23h15, c'est Marion et Enzo. Et ça y est, les amis, il va être temps de découvrir Thomas. Thomas, c'est cet auditeur qui nous a appelé au standard hier soir, là, au 01 42 48 5000, pour nous parler de sa chérie. Sa chérie lui a demandé une belle preuve d'amour. On va enfin savoir de quoi il s'agit. Alors, si je puis me permettre, je trouve que c'est plutôt une preuve d'amour chelou. Mais oui. Bon, bonsoir Thomas. Bonsoir toute l'équipe, bonsoir Marion Anso, ça va? Ça va et toi? Nickel. Alors, t'as quel âge déjà, Bichon? 19 ans. 19 ans, d'accord. Et tu habites où? Vers Lyon. Vers Lyon, d'accord. Et alors, ça fait combien de temps que t'es avec ta chérie? 9 mois. D'accord. 9 mois, d'accord. Tout se passe bien, a priori? Oui, bah oui, jusqu'à temps qu'elle me pose cette question. Enfin, cet ultimatum. Alors, c'est quoi? C'est hématome. D'accord. Alors, c'est quoi cet ultimatum? Quel âge elle a déjà, Thomas, ta copine? Bah, comme moi, 19. Et elle s'appelle comment? Marion. Marion, ok. Oula, d'accord. Alors, dis-nous, qu'est-ce qu'elle t'a raconte aux auditeurs, l'ultimatum que t'as posé Marion? Bah, en fait, on va s'installer sur Lyon tous les deux pour... poursuivre nos études de marketing. Mmh. Et en fait, on ne devait pas avoir un appart commun jusqu'à temps que j'arrive à décider nos parents des deux côtés. Et je lui ai dit qu'ils étaient OK et tout. Et elle m'a dit OK, à une condition, tu viens chez mes parents un ou deux jours et tu passes une ou deux nuits sur le balcon sans rien, juste de quoi dormir et si t'as soif. Et si tu arrives à passer les une ou deux nuits, on se met les deux, sinon c'est chacun notre appart. Mais quelle horreur! Mais attends, mais alors, et elle t'a expliqué pourquoi quand même? Parce que je vois pas l'intérêt. Bah oui, parce qu'on est jeunes, ça fait que 9 mois qu'on est tous les deux et qu'elle a encore pas totalement confiance en moi. Ouais, en fait, elle veut vraiment que tu lui prouves à quel point tu l'aimes et ce que t'es capable de faire. Voilà, elle veut me tester, quoi. Mais c'est idiot, hein. Non, mais surtout, à quel moment. Je sais pas, moi je suis avec un mec et il dort sur un balcon. Bah déjà, je lui propose éventuellement d'aller en hôpital psychiatrique. Non mais oui, mais... Et je vais pas avoir plus confiance en lui parce qu'il aura dormi deux soirs sur un balcon. Oui, mais Anso, elle est jeune. Elle se dit, est-ce qu'il a vraiment envie d'habiter avec moi? Tout ça, en fait, elle veut tester sa volonté, tu vois. Oui, mais j'ai bien compris. Et du coup, c'est pas vraiment sa confiance, c'est plus ta volonté et ton envie. Après, c'est complètement débile. Est-ce que toi, t'as prévu de le faire ou pas? Bah justement, je sais pas, j'aimerais bien avoir vos avis, trucs comme ça. Non mais chérie, à un moment donné, tu sais, t'es jeune, mais parfois il faut avoir de la force de caractère. Et quand t'as pas envie de faire quelque chose, eh bah tu le fais pas. Mais faut lui expliquer, faut lui dire, écoute, c'est pas que je t'aime pas, je meurs d'envie d'habiter avec toi, mais à un moment donné, je suis pas un gamin, j'ai pas envie de dormir deux jours sur le balcon, j'ai autre chose à faire. Et voilà, et fais-moi confiance, quoi. Et puis surtout, Thomas, ça ne prouve absolument rien. C'est pas parce que tu dors deux jours sur un balcon que tu vas non seulement plus l'aimer que vous allez passer votre vie ensemble. Ah ça oui. N'a, tu vois, c'est bah oui, ça c'est ce que j'essaie de lui dire, mais elle comprend pas en fait. Et puis Thomas, il faut se dire aussi un truc, c'est que tu as 19 ans et que ça fait que 9 mois que vous êtes ensemble, donc peut-être que vous pouvez attendre aussi un peu. Si elle est pas sûre et qu'elle a besoin de ça, c'est peut-être parce que elle n'est pas sûre, tu vois. Oui, aussi. Ouais, peut-être qu'elle veut faire marche arrière et qu'elle sait pas trop comment faire. Du coup, elle se dit, je vais lui demander un truc impossible, comme ça il va forcément dire non, tu vois. Voilà. Donc à toi de voir, mais je pense que là, clairement, il n'y a que la communication qui pourra te dire si c'est jouable ou pas entre vous, tu vois. Ok. Est-ce que tu en as parlé à d'autres personnes, genre des amis à toi, tes parents, tout ça, Thomas, cet ultimatum? Bah oui, ils trouvent ça complètement débile, mais voilà. Non, et puis franchement, deux jours, mais genre, t'as même pas le droit de manger. Bah si, genre, je fais ma journée avec elle et tout, genre magasin sorti et tout, mais arrivé le soir pour aller au lit, c'est moi, c'est sur le balcon, quoi. Non. Bah en tout cas, si tu décides de le faire, profite de la période où les températures sont clémentes, hein. Évite tout ce qui est mois de février. Ouais, on voit bien les étoiles, il y a deux trois trucs qui font. Non, mais c'est un truc de fou. Ouais, mais je pense pas que je vais le faire. Et alors, pourquoi tu ferais pas le contre-pied? Tu lui dirais pas, ok, je vais le faire. Par contre, moi aussi, j'ai besoin que tu me prouves les choses. Et là, tu lui donnes un défi de ouf à relever. Juste pour qu'elle comprenne ce que ça fait, tu vois? Voilà. Bête, ouais. Voilà, elle va dormir dans la cave. Non, mais tu vois, un truc de ouf, je sais pas, un truc qui te ferait vraiment plaisir. Après, c'est compliqué, parce que là, vous rentrez du coup dans un délire rapport de force. Mais au moins, ça lui ferait comprendre que c'est complètement débile, tu vois? Ouais, bah oui. Mais vraiment, nous, on te conseille de pas le faire. C'est bien de faire des preuves d'amour. Moi, je suis pour. Hein. Franchement, pour entretenir un couple et tout, il y a rien de mieux que des belles preuves d'amour, mais des belles preuves. Moi aussi, et puis des preuves qui ont un sens. Parce que là, ça n'a aucun sens, Thomas. D'accord? Oui, bah oui. Bon, Thomas, ne bouge pas, on va demander leur avis aux auditeurs. Là, 01 42 48 5000, vous nous appelez, vous conseillez le petit Thomas, il est pas bien. Et surtout, vous nous dites si vous aussi, vous avez déjà fait comme ça des preuves complètement ouf par amour. Et moi, j'ai un petit jeu pour vous, l'équipe. Ah, ok, vas-y. Je vais vous donner des preuves d'amour, vous allez me dire si ça vous ferait craquer ou pas. Ok? Ok, vas-y. Vas-y. Si il ou elle t'écrit une chanson. Ah oui, ça me fait craquer. Ouais. Ah, pas du tout. C'est ringue. C'est ah si. Ah oui, ah, faut. J'arrive plus à parler. Retente, bichon, ça va aller. Vas-y, viens. Il faut savoir qu'Anso adore tous les trucs ringards, quoi, tu vois. Oui, moi, je suis une hyper. C'est bizarre d'ailleurs, hein, parce que je suis très ouverte comme Nana, mais je suis ultra romantique. Après, moi, si c'est un vrai chanteur, un musicien, ok, je vais kiffer, mais si c'est quelqu'un qui sait pas chanter, non. Mais d'accord. Oui, bah oui, moi aussi. Si il ou elle se tatoue ton prénom. Alors, pas du tout. Pas une seconde. Mais ça m'angoisse. Hein. Surtout pas en lettres chinoises, genre, un truc encore plus ringard, quoi. Si il ou elle te fait un montage photo, genre un gars, une fille sur Facebook. Non. Ah non, non. Non, les montages photos, non. On n'aime pas ça. Hein. Si il ou elle porte une gourmette avec ton prénom. Mignon, ça. Non. Non, non, t'aimes pas? Bah, je sais pas. Je trouve qu'il y a un côté ringard de la gourmette, moi. Mais... Ok. Si il ou elle met son statut en couple sur Facebook. Ah non, c'est pas pour... En couple, si, tag pas, pourquoi pas. Mais moi, j'aime pas trop, moi, les débordements d'amour sur Facebook. Ah, j'aime pas trop montrer non plus. Bah, c'est discret, ça, en couple ou célibataire, oui, ça va. Oui, en couple, s'il te tag pas, s'il te dit pas, ouais, en couple avec. En vrai, quand tu le fais, c'est juste pour montrer aux autres que tu l'es. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas pour toi, hein. Tu vois. Bah ouais, je sais pas. Moi, ça me choque pas. Bah, après, je comprends les gens qui le font, hein, tu vois, cool. Moi aussi, mais... Les gens qui font des déclarations d'amour, cool. Alors, justement, si il ou elle te fait une demande en mariage en public. Ah oui, alors moi j'adore. C'est là où on est différente, c'est-à-dire que moi, mais jamais de la vie. Ah si, alors moi j'adore. J'adorerais ça, quoi. Ah, moi j'adore complètement aussi. Ce serait quoi alors ton rêve? Genre ta déclaration d'amour, ta demande en mariage rêvée, ce serait où, devant qui? Alors moi, typiquement, genre un 4x3 dans la rue, j'aimerais bien. Ah bon? Si. Et genre, si j'avais un amoureux et qu'on était vraiment hyper amoureux et tout, j'adorerais qu'ils me surprennent dans l'émission et qu'ils viennent me demander en mariage à l'antenne, tu vois. Ah ouais, mais alors ça, c'est un peu différent. Ouais. Parce que c'est, voilà, ça rentre dans ton truc. Enfin, moi, je trouve ça mignon parce que c'est personnalisé. Moi, ce que j'aime pas, c'est devant des inconnus, tu vois. Bah... Demande un mariage dans la rue en 4x3, mais quel intérêt? Tu partages ton bonheur avec des gens que tu connais pas. Bah oui, bah excuse-moi d'avoir envie de partager mon bonheur tout court, quoi. Tu fais ce que tu veux. Pardon. Si il ou elle envoie une dédicace pendant un clip sur D17. Ah, mais moi j'aime bien, je trouve ça marrant. Ouais, ça tu sais qu'en plus aussi. J'ai essayé et en vrai, je le fais parfois avec des copines et elles passent jamais ma dédicace. Moi, elle est déjà passée. Hein. Ouais. Ah bah pas moi. Bah moi je suis filtrée alors. Ouais, on n'a pas de vie, les gars. Ah, mais tu fais tellement. Si il n'essaye même pas de négocier une petite sodo quant à tes règles. Oh, c'est une belle preuve ou pas? Ouais, c'est une belle preuve. Si il t'offre les roses du Pakistanais au resto. Moi, je trouve ça mignon. Hein. Ah bon? Ouais, je trouve ça mignon. Oh non, mais moi, ça me saoule. Moi, s'il m'offre un bouquet, je veux pas le voir. Je veux qu'il rentre à la maison avec un bouquet, tu vois. Je veux pas que devant moi, il négocie ses fleurs, quoi. Non, mais il négocie pas. Tu pars aux toilettes, la personne vient avec son bouquet, il t'achète un bouquet, tu vas quand même pas te dire, ah bah c'est relou. Bah ouais, je sais pas, je suis pas fan. S'il écrit son prénom avec ses sourcils. Très belle preuve, ça invalide. Ah ça, c'est une très très belle preuve. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Amir Giga Sourcil? Alors moi, je trouve ça vraiment exceptionnel. Hein. Bon, vous nous avez appelé là au 01 42 48 5000. On parle de déclaration d'amour et de preuve d'amour avec Alan de Roubaix. Bonsoir, Alan. Salut les filles. Ça va, Alan? Ça va, ouais. Impeccable. Alors, toi, t'as quel âge? J'ai 23 ans. 23 ans. Alors, est-ce que t'as déjà fait une preuve de ouf ou est-ce qu'on t'a demandé une preuve d'amour, peut-être? J'ai subi une preuve d'amour, en fait. Je t'explique, il y a quelques temps, j'étais au cinéma et je devais avoir un date avec ma meuf. Mm-hmm. Ça faisait 2 semaines qu'on se connaissait. Et ce n'est pas ma meuf qui est venue, c'est sa sœur jumelle. Non. Si. Oh merde. Mais attends... Et je ne savais pas qu'elle avait une sœur jumelle. Mais quel rapport avec la preuve d'amour? Oui. Eh ben, elle voulait savoir si j'allais être capable de la reconnaître ou pas. Ah, mais ça, c'est un test. Et alors? Et alors, bah grillé dès les premières secondes, quoi. Ah ouais, mais alors, ça, pour moi, c'est un peu différent. Là, elle t'a complètement testé, genre, j'ai aucune confiance, tu vois. Elle t'a pas demandé une preuve d'amour. Bah, pour elle, c'en était une. Ah ouais? Ouais. Mais c'était des vraies jumelles, parce que si c'est des fausses jumelles, c'est quand même le traquenard le plus pourri du monde. Ah non, c'est des vraies jumelles. D'accord. Et je peux faire juste une aparté là en parlant de jumelles. Vous avez regardé un peu Secret Story? Ouais. J'ai vu ce matin, est-ce qu'elles sont pas trop énervantes, les jumelles? Bah, non, mais disons qu'elles ont, des voix un peu criardes, effectivement. Mais elles parlent, on dirait qu'elles sont. Alors, elles sont pas bêtes du tout, elles ont l'air très intelligentes, mais quand elles parlent, c'est pas possible. Mais elles sont jeunes, elles ont 20 ans aussi, c'est pour ça. Bah, et alors Oui, ça n'empêche rien, des gens de 20 ans qui ont l'air très fut-fut. Moi, quand j'avais 20 ans, j'avais une voix de bonhomme. Hein. Mais cela dit, elles sont très jolies. Oui, c'est vrai qu'elles sont très belles. Et elles se ressemblent beaucoup. Alan, t'as regardé un peu Secret ou pas? Ouais, j'ai regardé Manon et Anaïs, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Est-ce que ta copine et sa sœur, elles sont aussi jolies qu'elles? Si je dis pas plus jolie, je vais me faire taper, mais elle est plus jolie, ouais. Et alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, toi, tu l'as reconnue, donc elle était contente? Ouais, elle était très contente. Elle a sorti du cinéma après le film, elle m'a attendue. Ouais. Et puis, embrassade, et puis voilà, quoi. Ah, c'est mignon. Mais pourquoi tu prends cette voix, Alan, là, tu m'angoisses? Embrassade, et puis elle a enlevé son pantalon dans la rue, bah enfin, Alan. Et alors, Alan, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes toujours ensemble? Oui, on est toujours ensemble. Ah, c'est mignon. Et est-ce que t'as déjà eu le fantasme de te faire les deux en même temps? Ah, pas du tout. Ah bon, pourtant, il y a plein de mecs qui rêvent de ça. Hein. Non, mais je vais te dire, il ment, il fait « Oh, pas du tout !» Mais pourquoi ça t'excite pas? T'as pas envie d'avoir les deux dans ton lit? Non, parce que je pense surtout à elle, et je pense que pour elle, ça doit être bizarre de se retrouver toute nue à côté de sa sœur et de faire des choses. Ouais, j'avais pas pensé à ça, tu vois. Eh ben ça, c'est un homme amoureux, bravo mon pote. Ouais, et pour Thomas, moi je dirais qu'il doit le faire. Il doit accepter de passer les deux nuits. Bah, enfin... Bah non, il doit pas le faire, mec, dormir deux jours... Tu vois, c'est un peu inconscient, ça sert à rien de faire ça, en fait. Bah, si sa copine lui dit... Si sa copine a besoin de ça, je pense que... fait, puis basta, hein. Je vais te donner une phrase de parole à un con, mais si sa copine demain lui dit il faut que tu te drogues et que tu sautes d'un pont et que tu fasses... Il va pas le faire, tu vois. À un moment donné, il faut être plus intelligent que l'autre. Et quand il y a des trucs déraisonnables, il faut savoir le dire. Ouais. Et puis donnez-vous des défis, d'accord, mais pas des défis humiliants, parce que c'est humiliant de dormir sur un balcon quand même. Ouais. Pour peu qu'il soit pas propre. Ah non, bah mince. Alan, on t'embrasse, en tout cas, poussin, sois heureux avec ta jolie jumelle. Merci beaucoup. Bisous. Bisous. Bisous. Il y a Elodie aussi à Nice avec nous. Bonsoir, Elodie. Salut Mario Enzo, salut tout le monde. Ça va, Elo? Bah ouais, très bien. Pour trouver, ça fait plaisir. Bah nous aussi, ça nous fait plaisir. Tu voulais nous raconter une preuve d'amour aussi? Oui. C'est mon mec qui a fait une preuve d'amour pour moi que mon père en fait lui a imposé. Mm-hmm. C'est-à-dire que en fait mon mec m'avait proposé d'emménager avec lui et mon père était pas trop chaud. Parce que il le connaissait pas plus que ça, il s'inquiétait pour moi. Et puis il a fini par accepter, mais à une condition, c'était qu'ils partent tous les deux en camping. Parce que mon père, c'est le roi du camping, il adore ça. Et il trouvait que c'était le bon moyen pour faire connaissance pendant une semaine avec lui. Ah c'est sympa, c'est un peu angoissant, mais c'est sympa. Ouais. Moi ça m'a énervé de ouf en fait. Je peux te comprendre toi que ça t'ait énervé. Mais du coup ils sont partis tous les deux faire du camping. Finalement ils sont partis ensemble. Ça a été tout ça. Et puis du coup mon père la semaine passée ensemble, il a accepté et du coup on a pu emménager ensemble. D'accord. Et du coup vous êtes toujours ensemble? Non. Ah ouais, ça a bien servi cette histoire. Non, d'ailleurs mon père du coup il a été déçu. Mais c'est la vie, c'est comme ça hein. En fait, si ça se trouve ton père il avait envie de pécho ton mec. Si ça se trouve il l'a pécho. Écoute, ça en tout cas il m'a rien dit. Mais sinon par rapport à Thomas, par contre moi je dirais non, surtout le fais pas de dormir sur le balcon. Moi je trouve ça totalement con. Moi ça m'est déjà énervé que mon père du coup demande ça déjà à mon mec. Donc franchement il y a d'autres preuves d'amour que ça. Tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait, bien dit Elo, bravo Elo. Bravo. Merci. On t'embrasse ma belle. Et gros bisous à vous. T'as un mec maintenant? Non, je suis toute seule, je suis célibataire. Attends, t'es sur quelle région? Nice, c'est loin de Toulouse ça ou pas? Bah ouais, ça fait un bout quand même. Hein. Ça doit être 6-7 heures. On avait bien un gars à te présenter, il s'appelle Jean-Marc et il recherche toujours l'amour, hein, Jean-Marc de Toulouse. Si vous êtes de Toulouse, appelez-nous. Hein, ouais, appelez-nous les filles. Bon, Elodie, on s'occupe de ton cas, toi aussi. J'ai l'impression qu'on se transforme en grosse agence matrimoniale. Oh, c'est gentil, les filles, merci. On t'embrasse, Elodie, bisous. Bisous. Ciao, ciao. Il y a Aurélien aussi qui est avec nous. Bonsoir, Aurélien. Salut, les filles. Ça va, Aurél? Ça va, très bien. T'es calme. Dis-nous tout. Est-ce que toi aussi, tu as dû prouver ton amour à quelqu'un? J'ai fait une déclaration de mariage. Donc, c'était cette année, au mois de février. Ouais. J'ai demandé ma future femme en mariage devant 600 personnes dans un avion en vol. Waouh! Ah, génial! C'est beau quand même ça. Ça peut peut-être donner des idées, mais je l'ai fait donc au micro du cockpit sans qu'elle crois qu'elle s'en rend compte en fait. Ah, c'est génial. Dis-moi que t'as filmé Aurélien. Ouais, j'ai filmé. Ouais. Oh, tu peux nous envoyer la vidéo? Bah ouais, mais je vais pas la mettre sur internet pendant une durée d'un an. La compagnie m'a interdit de la mettre. Ah fait, merde. Si vous voulez, ils veulent pas par rapport à tout ce qui est terrorisme, tout ça. Ah bah oui, les mesures de sécurité. Voilà. Ah, ouais. C'est dommage. Ouais, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de. Ça a été une longue préparation parce que la compagnie, c'est Qatar Airways, pour ne pas la citer. Mais ouais, en fait, il y a eu 2 semaines de préparation avant pour que ça puisse ne pas être enregistré dans les boîtes noires. Donc, Et alors, juste dis-moi. Comment ont réagi les gens dans l'avion? Est-ce qu'ils ont applaudi? Est-ce qu'ils ont pleuré? Est-ce qu'ils étaient émus? Ouais, il y en a beaucoup qui ont applaudi. Ah, c'est beau. Beaucoup qui ont filmé, même les stewards, c'était la première fois qu'ils voyaient ça. Et c'est vrai qu'à la sortie d'avion, y a pas mal de personnes qui sont venues me voir pour me dire félicitations et puis qu'ils n'auraient jamais fait ça, quoi. C'est génial. T'as pleuré, toi, Aurélien? Non, mais par contre, ma femme, oui. Bah, alors, tu m'étonnes. Moi, j'aime pas les déclarations en public, mais là, quand même, je trouve ça hyper original. En plus, j'imagine la sensation qu'elle a dû avoir en entendant ta voix, là. Disons qu'en fait, pendant le vol, tout le monde regardait des films, et il y avait eu déjà de nombreuses coupures pendant le vol, et quand ça a coupé, et que toutes les vidéos, tous les films, ça a gueulé. Ouais. Et quand ils ont compris que c'était une demande en mariage, bah, du coup, ça s'est super bien passé. En revanche, c'est très cool de donner cette idée-là aux auditeurs, Aurélien. Mais en revanche, si vous êtes auditeur de Fun Radio, que vous entendez ça, soyez sûr que la personne va dire oui. Parce que si elle vous dit non, vous êtes quand même dans un avion, tu peux pas partir. Ça fait quand même qu'on est ensemble. Oui. Parce que t'as l'air con quand même. Hein. Je suis d'accord avec ça. Bah, Aurélien, félicitations, mon pote. Voilà, donc on se marie à nouvel an. Ah, c'est trop mignon. Ouais, c'est canon, franchement. Soyez heureux, les amis, on vous embrasse hyper fort. Et pour revenir à Thomas, pareil, moi, je le ferai pas. Bah voilà, dans la team, on le fait pas. Non, il n'y a pas de raison, si elle l'aime, voilà. On est d'accord. On va lui demander des choses comme ça. Eh, mon pote, tu sais ce que tu vas faire déjà, on va te remercier très fort. Ensuite, tu vas aller t'acheter un réseau parce que là, c'est moyen. Et s'il te plaît. Ouais, bah c'est moyen. Et tu nous tiens au courant après le mariage, on vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur, d'accord? Merci. Bisous Aurélien, on t'embrasse très fort. Salut. Bisous. Bon, Thomas, je pense qu'on est quand même la France entière à dire ne le fais pas. Oui. Oui. Si ça conforte mes choix, en fait. Un auditeur était pour le faire, mais honnêtement, le fais pas. Et si elle comprend pas, eh ben, c'est qu'elle est pas forcément amoureuse de toi, cette nana, tu vois. Ouais, je pense aussi, après une bonne discussion, ça devrait le faire. Bon. Exactement. Et vous précipitez pas. Voilà. Il y a pas de. Okay. Tu nous tiens au courant? Ça marche. Est-ce que je peux faire juste une petite dédicace? Bien sûr. Donc je fais une dédicace à ma famille, à Léo et Alicia, à Charlotte et son petit frère Arthur, et à tous mes potos. Et merci encore. Ah, Bisous Thomas, on t'embrasse. Bisous, gros bisous, merci. Bisous. Bon, je sais qu'il a perdu sa voix, mais ça fait trop longtemps que je l'ai pas entendu. Est-ce qu'on peut avoir un commentaire de Pépère? Pop, les filles. Oui, Pépère. Bah oui, bah Pépère, il peut parler quand même ce soir un peu. Alors, dis-nous, est-ce que toi, t'as déjà montré ton amour comme ça à quelqu'un? Bah, Pépère, pour prouver son amour à mes mères, eh ben, il l'a invité aux chandelles, un dîner. Ah, bah ça, c'est romantique. Bah oui, sauf qu'à la fin, j'ai mis les chandelles dans la chatte. Bah oui. Et je crois que c'est encore pire quand il le dit avec un pépère qui a plus de voix, c'est encore plus malsain. Bon, restez avec nous dans un instant. Gros dossier dans le Night Show avec un je te demande pardon hyper chaud. Oui. Ne le ratez pas ce moment, on se retrouve juste après Galantis, c'est No Money sur Fun Radio. We'll be right back. Bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes sur Fun Radio et c'est Marion et Anso, le Night Show en direct comme chaque soir avec vous jusqu'à minuit. Et est-ce que vous avez vu cette info qui va révolutionner Instagram? Non, la révolution entre en marche. Ah si, j'ai vu le zoom. Ouais, c'est ça, c'est un truc énorme. Donc déjà cet été, ils avaient lancé les stories à la mode Snapchat un peu. Oui. Donc là ça y est, on va enfin pouvoir zoomer sur les photos. Ah, parce que ça c'était un peu relou sur Instagram. Quand tu veux zoomer un peu sur la tête de quelqu'un, quelqu'un que tu aimes beaucoup par exemple, ouais. Et ben, ça va être désormais possible à partir d'aujourd'hui pour iOS et dans quelques jours pour Android. Ça veut dire qu'on va pouvoir voir encore plus gros tes gros seins. Ça veut surtout dire qu'on pourra enfin voir la cellulite sur le cul de Kim Kardashian et c'est pas mal. Oui, oui. T'as un truc à te faire pardonner. C'est l'heure du... Je te demande pardon. Où ça? Où ça? Oui, le je te demande pardon, c'est le grand retour. On l'a fait quoi? Une ou deux fois là depuis le début de la saison 2 hein? C'est ça. Alors, je vous explique le concept, c'est très simple. Vous avez quelque chose à vous faire pardonner. Vous avez fait une connerie, une grosse boulette pendant l'été ou avant, hein, d'ailleurs. On n'est pas bien regardant. Vous nous appelez au 01 42 48 5000 et vous vous faites pardonner en direct sur l'antenne de Fun. En plus, vous repartez avec votre iPad. Sympa. Oui, puis alors, l'avantage, c'est que si c'est un gros dossier, nous, avec Marion, on est là quand même pour vous aider, quoi. Et alors là, ce soir, on a du très, très gros dossier. Alors, il s'appelle Xavier. Oui. Bonsoir, Xavier. Bonsoir, les filles. Ça va? Ça va et toi, Xavier? Bonsoir. Pas prêt à aller, ça peut, ouais, vite fait quoi. Bah oui, on sait, Xavier, t'as déconné mon pote. Bah ouais, c'était pas parti pour ça, et puis juste passer une soirée tranquille, et puis bah, au final, au moment de partir, bah... Alors attends, raconte-nous déjà, t'habites où toi? Ouais, moi j'habite dans la région parisienne, dans l'Essonne, au niveau de Angerville, Étampes, okay. Secteur d'Étampes. Et bon, bah ça fait un an et demi que je suis avec ma copine actuelle. Et en fait, je l'ai trompée par rapport avec une autre nana qui a la trentaine d'années, que j'avais rencontrée via les chats il y a à peu près 3 ans. Mmh. Et là, il y a 2 semaines de cela, en fait, j'ai dit à ma copine, ouais, je suis de garde parce que je travaille des fois de garde pour le SAMU. Je lui ai dit que je suis de garde et en fait, au final, j'avais été passer la soirée chez l'autre fille. Non, mais en plus, c'est-à-dire que c'était un truc prémédité, quoi. C'est ça le pire. Ouais. C'est que c'était pas pendant une soirée ou du coup, un peu avec tes non, potes. Du tout. Ouais, mais les gars, vous êtes chou. Ouais, mais c'était parti pour la connaître parce que c'était la première fois que je la rencontrais en fait. C'était parti juste en tant qu'ami et en fait mais Bichon, tu te doutes bien que nous en tant que meuf, on peut pas t'encourager et te dire c'est bien, bravo, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Forcément, elle a fait quoi ta copine, elle l'a su? Je l'ai dit mais avec un peu de mal parce qu'elle l'a bien vu hein. Elle a dit ouais, c'est je sais pas, il y a quelque chose que tu me caches et tout. Je lui ai dit bah non, et elle a un peu pêché le vrai sur le faux, et en fait bah je lui ai dit toute la vérité quoi. Ça veut dire que depuis elle t'a quitté ou pas? En fait, on est ensemble sans être ensemble. En fait, je sais plus trop. Elle me répond au téléphone, elle me répond par SMS, mais c'est froid en fait. C'est... Bah oui, il y a moyen. Ouais. C'est du vite fait quoi. Elle ouais. continue à me parler, mais voilà quoi. On s'est pas revus depuis quoi. Bah écoute Bichon, tu sais que voilà, on est là pour toi, on va essayer de t'aider. Mais ouais. sincèrement, voilà, moi je suis forcément du côté de ta meuf et je comprends qu'elle soit froide avec toi. Et moi, je vais te dire la vérité, je t'aurais largué. Donc t'as déjà de la chance qu'elle soit restée avec toi. Bah... Voilà. Ah, c'est ça, ouais. Pour l'instant, ouais, j'espère quoi. Xavier, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Ludivine. Ok, bah on va appeler Ludivine et puis tu vas tout faire pour t'excuser. Hein. Ouais, non, mais t'inquiète. Hein, ça... Parce que là, t'as aucune excuse, hein, Xavier. Prémédité, tu vas chez la meuf, tu lui mens, c'est un peu un cumul quand même. Hein. Bah, c'est ça quoi. Bon, allez. C'est vrai que c'est un peu. On va dire que t'as éprouvé un petit peu de faiblesse. Oui, ouais. La faiblesse des hommes. Ouais. C'est facile celle-là, mec. Allô? Ouais, allô, Lulu? Ouais. Ouais, c'est Xavier. Ouais, bah je vois ça. Ouais, bah je t'appelais en fait, c'était par rapport à la dernière fois là, qu'il y a à peu près 2 semaines là, quand j'avais été voir l'autre, comme tu dis. Ouais. Le problème c'est que là, depuis 2 semaines, je pense à toi et tout, bah tu dois bien le voir avec les SMS que je t'envoie ou quand j'essaye de t'appeler, mais toi tu réponds pas. Mmh. Et bon, je l'admets, hein, c'est pas cool ce que j'ai fait, hein, de t'avoir menti, de te dire que j'étais de garde en fait. Et puis bah ce soir-là en fait, c'était pas vrai. J'aimerais bien qu'on puisse se voir et puis que par chance, que au moins tu me laisses une chance, quoi, que tu me pardonnes au moins une fois, quoi. Bah je sais pas, tu m'as quand même trompé. Hein. T'as rien à dire, je sais pas, c'est. Bah si, j'ai juste à te dire un truc, c'est que je t'aime et tu m'as fait du mal, c'est tout. Tu veux que je te dise quoi? Et tu me pardonnes ou tu me pardonnes pas? Je sais pas, parce que tu m'as quand même menti, tu m'as... Voilà quoi. Tu m'as trompé, c'est pas rien. Après, qu'on en discute face à face, et puis voilà quoi, que je sache au moins si tu me pardonnes ou si tu me pardonnes pas, et puis qu'on essaye de voir demain matin, je finis ma garde à 8h, donc si on a l'occasion de se voir, au pire. Bah demain je travaille, hein. Bah après ton boulot. Comme tu veux. Bah c'est toi, hein. Si j'ai une chance d'être pardonné ou si c'est vraiment voilà. J'ai une partie de moi qui a envie parce que moi je t'aime, je tiens énormément à toi, donc voilà. Ouais. Bon. Elle est très touchante. Ludivine. Oui. Bonsoir Ludivine, c'est Marion et Anso, t'es en direct sur Fun Radio. Ah ok. Ouais. Alors je sais que ça fait bizarre, mais déjà sache que tu nous touches beaucoup, t'as l'air adorable. Ah merci. En fait, je t'explique, ton chéri ou ton ex, hein, je sais pas comment on peut appeler ça, nous a appelé parce qu'il s'en veut vraiment beaucoup de ce qu'il t'a fait. Ouais. Et du coup, il voulait passer sur l'antenne de Fun pour assumer sa connerie devant tout le monde et éventuellement se faire pardonner. Alors nous, on est des meufs, donc on sait très bien ce que tu peux ressentir. Et franchement, je comprendrais que tu lui pardonnes pas. Maintenant, voilà, j'ai l'impression que t'es hyper amoureuse. Donc est-ce que ça vaudrait pas le coup de laisser une seconde chance à cette histoire? C'est à toi de voir, chérie. Bah, moi j'ai envie, donc voilà quoi. Oh, burl. Xavier, j'ai envie que tu t'excuses encore. Ouais. Bah, franchement, ma chérie, je suis vraiment désolé. Et je ferai tout pour me faire pardonner. Voilà, j'essaierai d'essayer de trouver les moyens pour aller faire un petit séjour, même un petit week-end dans un hôtel de charme ou autre. Voilà, parce que tu sais très bien que là, j'ai encore mes crédits voiture à payer, donc c'est... Ouais, bon, c'est pas le moment de parler de ça, là. C'est comme moi, avec l'hôtel de charme. Hein? Bon, Ludivine, chérie, qu'est-ce que t'en as pensé, alors? Est-ce que tu le crois sincère? Oui, je le crois sincère. Bah oui, mais... Ludivine, c'est vrai que quelque part, c'est dommage d'arrêter une belle histoire pour une erreur. De toute façon, Xavier, tu promets que tu le referas plus? Non, ça, après du tout quoi. Je sais le mal que ça fait. Bah moi je l'ai déjà subi par rapport à une nana qui m'avait déjà trompé. Je sais ce que ça fait, mais bon là par erreur voilà. En quoi. Plus l'autre meuf elle était dégueulasse, à vous. Je dirais rien parce que voilà. Mais Xavier, dans ces cas-là, pas... il faut dire oui en bah fait. Oui. Hein. Oui, non, mais je vais pas envenimer les choses. Après, de toute façon, chaque nana est différente. Non, mais il a pas compris là. Xavier, tu dis, elle était bien moins bien que toi. Ce sera déjà très bien. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Est-ce que c'est la femme de ta vie, Ludivine? Bah, je l'espère. Je l'espère que ça sera la femme de ma vie. Hein. Après. L'avenir le dira, hein, ça pourra être elle, ça se trouve dans... Xavier, dans ces cas-là, il faut dire oui, c'est la femme de ma vie, ça. Il faut prendre toute ton éducation amoureuse. Hein. Ouais. Bon, vous êtes mignons quand même tous les deux, mais s'il te plaît, Xavier, recommence pas, elle mérite pas ça, ta chérie, elle a l'air super. Ouais. Oui. Non, mais ça, je sais bien qu'elle est adorable et qu'elle est super gentille. Hein, mais bon. J'ai fait la grosse boulette, la grosse connerie. Hein, voilà, quoi. Après, si elle m'aurait pas pardonné ou autre, je m'en serais voulu. Voilà. Après, on paye les pots cassés, hein, comme on dit. Hein. À mon avis, si ta meuf te largue, c'est parce que tu parles trop. C'est mes origines, ça. Arrête, Amine. Ouais, t'es de quelle origine? Espagnole. Ah ok, bah, ça s'entend pas, il n'y a pas d'accent. Hein. Bon, les bichons, on va vous laisser vous parler hors antenne. On va prendre de vos nouvelles là dans la semaine ou la semaine prochaine parce que vraiment on a envie que ça marche cette histoire. Et au passage, vous gagnez votre iPad, allez hop, ça c'est fait. Oh, c'est super gentil. Bah, oui, c'est normal. Merci. Donc du coup, hop, hôtel de charme, hop, tu lui offres l'iPad, Xavier, d'accord? Ouais, c'est ça. On vous embrasse très très fort tous les deux, Ludivine, tu nous tiens au courant ma chérie, d'accord? Ça marche. Bisous. Merci, c'est gentil. Bisous à vous aussi. On t'embrasse, Rabière. Bisous. Ouais, bisous. Anso, est-ce que t'aurais pardonné, toi? Une fois comme ça? Oui, bien sûr. Bien sûr, vrai? Moi, je pardonne, ouais. Eh ben, pas moi, tu vois. Bah, si, moi, je crois que l'erreur... Enfin, là, dans le cas de Xavier, je crois pas parce que c'était vraiment prémédité. C'est-à-dire qu'il a menti, il lui a fait croire qu'il allait quelque part pour aller coucher avec quelqu'un d'autre. C'est spécial, mais... Un coup comme ça, dans un moment de faiblesse, rien ne dit que ça nous arrivera jamais. Donc Et alors, j'ai une autre question pour toi. Est-ce que tu aurais pardonné à ton mec s'il t'avait appris comme ça sur le tard qu'il était bisexuel? Ah, mais pardonner, c'est pas un pardon finalement.

that I still do. I get so emotional. Come, we make a truce. 'Cause I cry, cry, you know why. I'm drowning in an ocean of salt water. When you're gone, that's why. Dans le night show, on va parler cul. I love that. Allez, tout le monde à poil. The night show sur Fun Radio. Et on va parler plus précisément bisexualité avec Cédric qui nous a appelé parce qu'il a un souci. Il a 40 piges, Cédric. Ouais, il est là. Il est de Toulouse. Bonsoir, Cédric. Bonsoir les filles. Comment allez-vous? Bah, ça bien va, et toi? Ça va, merci bien. Alors déjà, merci de nous avoir appelé. Ça nous fait bien plaisir. Oui. Et dis-nous, qu'est-ce qui t'arrive? En fait, moi, j'ai découvert ma bisexualité parce que ça fait quelques années que je suis avec ma copine et je n'arrivais plus à lui faire l'amour tout seul, en fait. Donc, je prenais plus de plaisir à la voir ou à la savoir avec des copains ou de lui faire avec un autre partenaire. Ouais. Et j'y arrivais plus du tout tout seul. Et mais après, du coup... Mais du coup, Cédric, quand tu faisais un plan à trois ou plus, d'ailleurs, avec ta copine, oui. Est-ce que tu touchais le mec aussi? Non. D'accord. Non, mais alors, attends, non. Cédric, juste, donc, t'es avec elle depuis combien d'années? 15 ans. 15 ans. Et tu avais déjà eu des histoires avec des garçons ou pas? Jamais. En fait, on a fait des jeux sexuels, en fait. Quand elle m'a fait une fellation, ça a commencé par un doigt. Après, elle a voulu qu'on continue avec un sextoy. Et après, j'ai essayé avec un homme, bon, je suis pas cis, mais jamais devant elle. M'avait proposé. Comment ça t'a pris? Je veux dire, tu t'es dit, tiens, je vais essayer avec un homme parce qu'un doigt ça me plaît, un gosse ça me plaît. Du coup, tu t'es trouvé quelqu'un sur un site. Enfin, comment t'as fait? Et en fait, après, elle m'a proposé avec un homme que j'ai jamais voulu, en fait, devant elle. Mm-hmm. Et après, sur un site, j'ai essayé pour la première fois. Et après, de temps en temps, je me fais du plaisir avec des hommes parce que j'arrive plus du tout avec elle toute seule, quoi. Soit il faut qu'on soit plusieurs. Il faut qu'on soit plusieurs ou je prends du plaisir à la regarder avec d'autres, quoi, en les regardant. Mais du coup, comment ça se passe maintenant? Parce qu'elle, elle doit bien trouver ça bizarre que tu n'arrives plus à lui faire l'amour tout seul. Mais elle ne me parle pas trop, quoi. Donc ouais. Je lui dis que à chaque fois je joue sur le jeu de lui dire que je préfère qu'on soit plusieurs, que je préfère ça. Donc elle a joué le jeu en lui disant que j'étais plus excité de la savoir ailleurs. Écoute-moi, est-ce que honnêtement tu penses pas, alors moi je te dis ça parce que tu me dis que t'as du mal à lui faire l'amour, c'est-à-dire que limite tu n'as plus envie de lui faire l'amour. Donc seul non. Voilà. Est-ce que tu penses pas qu'en fait tu es homosexuel et que tu te caches derrière le fait d'être bi? Parce que c'est effectivement un peu dur à avouer comme ça après 40 piges, après 15 années de vie commune. Mais si t'as plus envie d'elle et que limite tu peux plus du tout lui faire l'amour sans un homme, c'est que les filles, à mon avis, ne t'intéressent plus, tu vois? Eh bien si, parce que je fais des rencontres avec d'autres filles, quoi. Ah, bon. et tu fais l'amour avec d'autres filles en plus? Oui. Excuse-moi Cédric, est-ce que ce serait pas un peu le bordel ta vie sexuelle? En fait, ils sont libertins tout simplement, quoi. Oui, on a commencé comme ça, oui. Mais non, mais Cédric, peut-être que tu n'aimes plus ta femme. Mais pourtant, je veux pas me séparer. Bah oui, mais je comprends bien parce que il y a l'habitude, il y a l'attachement, il y a de la tendresse et tout ça. Mais peut-être que t'es simplement plus amoureux d'elle en fait. Ah, et si elle ne t'excite plus, c'est qu'il y a un manque de sentiments, c'est sûr. Hein. Tu vois? Oui, mais je suis excité. Si après il y a d'autres partenaires, oui. Je prends un grand plaisir à lui faire quoi. Bah justement, c'est peut-être ça le truc parce que. Je suis pas sûre. Thibaut à l'arrêt, toi qui es en couple. Ouais. Est-ce que ça t'exciterait de voir ta meuf se faire prendre par un autre mec? Juste cette idée-là, j'ai envie de taper partout, là, tu vois. Mais c'est pas pareil. Il est bisexuel, il est libertin. Tu vois ce que je veux dire? C'est complètement différent. Non, mais peut-être. En fait, là, j'essaie de soulever une théorie sur le fait qu'il l'aime vraiment plus parce que ça le dérange pas de le voir coucher, de voir sa nana coucher avec d'autres mecs. Ouais. Et qu'en plus, lui, il est excité par d'autres femmes, par d'autres hommes, mais plus du tout par elle. Donc c'est peut-être ça le problème aussi, Cédric, tu vois. Vous en avez parlé? Non. Après, parler non. On continue à aller dans des boîtes libertines quand il y a des soirées gang ou tout ça. Et je prends énormément de plaisir, quoi. Et alors, juste elle, par contre, ça la dérange pas de te voir faire l'amour avec un homme? Elle m'a jamais vu. Ah, elle te voit pas, ok. Elle me propose, mais j'ai jamais voulu faire devant elle. Alors aujourd'hui, toi, tu nous appelles parce que tu nous dis j'ai un problème, c'est que je ne peux plus lui faire l'amour sans quelqu'un d'autre. C'est ça en fait. C'est ça. Ouais. Et est-ce que t'as essayé au moins? C'est-à-dire que maintenant tu t'es habitué à ce qu'il y ait d'autres gens, etc. Mais est-ce que t'as quand même tenté de lui faire l'amour seul? Non. Peut-être essaye. Peut-être que ça reviendrait. Peut-être que tu redécouvrirais un peu ta femme et peut-être que ce serait nécessaire. Parce que là, tu dis j'ai plus envie. Mais parfois, faut se remettre en selle aussi. Hein. Ouais. Tu vois? Bon, ouais. Elle a essayé une fois, quoi. Je veux dire, elle m'a fait une fellation et tout, mais j'ai pas fait de pénétration. J'ai pris du plaisir à la fellation, mais j'ai pas été au-delà. C'est-à-dire que t'as plus d'érection quand c'est le moment de la pénétration, quoi. Si, je l'ai, mais. T'as pas envie? Non, j'ai pas envie. Je prends vraiment du plaisir à la regarder ou à la savoir ailleurs parce que je sais que de temps en temps elle va ailleurs. Mm. Et des fois, bon, on sort des hommes chez nous, mais je me mets à côté, je me masturbe en la regardant, quoi. Ah ouais. D'accord. Bah après, chacun vit sa sexualité comme il l'entend, tu vois. Si toi, c'est ta manière à toi de t'exciter, il y en a d'autres qui font bien d'autres choses, tu vois. Donc reste comme ça. J'ai envie de te dire, après, moi, j'ai peur qu'elle, elle en souffre au final de plus pouvoir du tout faire l'amour juste avec toi. Tu comprends? T'es pas le seul à t'exciter, il y en a plein des mecs, enfin plein, je sais pas, mais en tout cas il y en a d'autres, des mecs qui aiment voir leur nana se faire prendre par un autre mec, ça arrive, c'est ton truc à toi, ça, il y a pas de souci, mais juste ne la néglige pas elle, il faut que tu tentes de refaire l'amour avec elle et juste avec elle, pour voir. Mais je veux dire, quand elle fait des gangbangs tout ça, pourtant elle s'éclate, elle s'éclate. Ouais. Mais jusqu'à quand, tu vois? Bon, ouais. Cédric, ne bouge pas, on a de la réac pour toi au standard. Il y a Atlan qui nous a appelé de Cholet. Bah dis donc ce soir, qu'est-ce qui se passe avec Cholet? Il y a beaucoup de monde à ce travaux. Bonsoir Atlan. Salut les filles, salut l'équipe. Salut. Ça va? Ça va et vous? Ouais, très bien. Tu nous as appelé pour conseiller notre poteau Cédric ou pas? Ouais, c'est exactement ça. On t'écoute ici. Alors moi c'est un peu compliqué aussi. Jusqu'à l'âge de 14 ans, j'étais vraiment hétéro. Enfin, je me disais vraiment hétéro. Et c'est à l'âge de 14 ans du coup que j'ai découvert la bisexualité. Et donc là, moi, ça fait carrément 2 ans que je suis passé au grade gay, on va dire ça comme ça. Mm-hmm. Et donc j'ai été très longtemps dans le choix de me dire bon, je fais quoi, je me pose des vraies questions, etc. Après, faut pas qu'ils se posent de questions et qu'ils fassent ce qu'ils veulent en fait. Enfin, ouais. Là, ils se posent trop de questions et tu te prends trop la tête. Faut pas te bouffer la vie en fait. Il a pas tort, Cédric. Si vous êtes heureux comme ça, si toi tu prends ton pied, si ton kiff c'est de rencontrer d'autres mecs, de voir ta nana avec un autre mec, et ben continue. Mais oui. Tu vois? En fait, Cédric, y a pas de problème. Oui, je sais pas, mais je me disais parce que bon, on est en couple et je suis plus capable de me faire l'amour tout seul, quoi. Oui, c'est vrai que c'est étonnant, c'est bizarre, mais parfois il y a des passades aussi, tu vois, il y a des périodes. Peut-être que ça reviendra, peut-être que là en ce moment ton kiff c'est d'être à plusieurs, peut-être que t'as envie de ça et dans 1 ou 2 ans ce sera autre chose. Mais là, te prends pas la tête si t'es sûr de l'aimer encore et si ça t'excite quand même de le faire avec elle et d'autres gars, eh ben fais comme ça. Mais ouais. ça fait 6 ans que ça dure, quoi. Ah oui, quand même. Ouais, bon, bah écoute, ouais. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas? Après, moi, je pense qu'il y a quand même un souci du côté des sentiments, parce que normalement, quand t'as plus envie de quelqu'un ou t'as plus envie de lui faire l'amour, c'est qu'il y a moins de sentiments. Mais... Ouais. Croisons l'expérience. Ah non, mais après, mais si vraiment je suis pas seul, je m'éclate réellement avec elle, quoi. Oui, bah oui. Si je suis pas seul, Je m'éclate, ça, je lui fais l'amour, je lui fais tout, tout ce qu'il faut, mais si, on n'est pas seul. Mais Cédric, on a bien compris que tu aimais faire l'amour à ta femme devant un stade de foot. Non, on a bien compris. C'est ce qu'il y a, c'est que vous avez tenté quelque chose de plus excitant à vos yeux, donc maintenant, reculer et revenir à un truc un peu plus plan-plan, c'est compliqué pour toi, ça se comprend aussi, tu vois. C'est juste que t'en as moins envie. Elle, je pense qu'elle ne veut pas reculer non plus. Eh bah, ben, tant mieux alors. Bah oui, bah, donc il n'y a pas de problème. Mais enfin, Cédric, qu'est-ce que c'est que ce faux débat que tu nous organisais? Mais non, mais je comprends qu'il soit perdu, non, mais... bichon, mais il n'y a pas de problème en vrai. Hein. Si, mais le problème, c'est que je me dis que si je n'arrive pas à le faire moi-même en femme, donc je pense qu'il y a quand même un petit souci, quoi, je sais pas. Non, j'y arrive plus. Moi, je pense que vous êtes habitué à quelque chose d'hyper excitant à vos yeux, que maintenant, c'est compliqué de revenir en arrière et que voilà, vous avez trouvé votre équilibre comme ça, donc restez comme ça. Et si un jour, ça change, eh ben, ça changera. C'est ça, en fait. Il n'y a pas de normalité. Vous avez trouvé votre normalité à vous. Tu vois, c'est, c'est ça. Hein, oui. Oui, mais après, quand elle me demande de faire des hommes devant elle, je suis incapable, non. Ah mais, ça, oui, mais enfin Cédric, au début, elle se faisait pas prendre par deux mecs devant toi non plus. Tout ça, ça vient petit à petit. Si, on avait commencé comme ça, quoi. Parce que mon fantasme, parce que mon fantasme avait été d'essayer avec deux femmes, donc on a fait avec deux femmes. Mais après, en contrepartie, elle m'a demandé de faire elle justement avec, mais Cédric, avec deux hommes. Donc on a... Garde-toi des choses à tester quand même sur les 10 prochaines années. Hein. C'est ça, vous avez fait tellement de choses, vous avez tellement vu de trucs, testé des choses que maintenant c'est compliqué quand vous êtes que tous les deux. Mais te prends pas la tête là-dessus, c'est pas grave. Et quand tu seras prêt à le faire avec un autre mec devant elle, et bah, tu seras prêt. Pour l'instant, tu l'es pas, basta. Te pose pas de questions parce qu'elle ne souffre pas de la situation. Toi non plus, donc tout va bien. Tu vois? Ok, Cédric. Ouais. Vraiment. Bon, moi je veux que tu nous tiennes au courant de cette histoire quand même. Hein. Pas de soucis, oui. Hein, tu nous tiens au courant de la prochaine étape qui sera franchie, hein, à savoir tout ce qui est sadomasochisme. Non, elle va quand même pas, non, je suis pas là. Mais te prends pas sur la tête, Cédric. Hein, si personne n'est malheureux, tout va bien. Ok? Ouais, ok. On t'embrasse très très fort. Bonne baisse. Merci. Bisous, Cédric. Bisous à tous. Atlan aussi, on t'embrasse, mon chat. Merci de nous avoir appelés. Bon, du coup, mon quiz sur les Starbies, on le fera demain ou après-demain. Vous le levez maintenant? Bah. Adrien Thomas, ouais, toi mais... Bah on va le faire avec Adrien. Ouais, avec Adrien. Ok. Allez, je suis chaud. Allez, mon Adrien. Qui débarque pour Party Fun dans un instant conservé. Vous me dites bi ou pas bi, Madonna. Bi. Non. Complètement bi. Bah, oui. Bah, attends, elle galoche. Bon bah, elle galoche Britney Spears sur scène. Ah oui, c'est pour le show, non? Non, oui. Bi. Ok. Cameron Diaz. Ouais. Bah, non. Bi. Si, bi. Ah bon? Marié, mais bi. Ah bon? Oui. C'est sûr. Benoît Dubois du Mag. Non, pas bi. Non, gay, complètement gay. Et Nora Malagré, à votre avis? Oui, elle est bi. Complètement bi. Ah ouais, l'assume souvent, n'en touche pas à mon poste. Bah, oui. Angelina Jolie. Non. Si elle est bi. Si elle est bi. Mais plus maintenant. Bah bien oui, maintenant elle est mariée. Mais en même temps, personne n'est bi quand il est avec Brad Pitt. Hein. Ouais. Quand t'es avec Brad Pitt, tu es Brad Pitt. Tu n'es plus bi. Ouais. Mais, ouais. Ricky Martin. Oui. Non, il est pas. Ah non, il est gay lui. Non. Il est gay. Ouais, bien joué. Ouais. Il est gay. Olivier Mine. Il est gay. Non, il est bi. Ah bon? Ah ouais, il est bi. Enfin, il dit qu'il aime les deux. Après, on ne sait pas où est la vérité. Mais Magloire et MacDoom. Bah, il est hétéro. Gay. Non, à deux, ils sont bi, hein. Ça fait... Ouais, c'est ta faute. Ouais, c'est vrai. Astérix et Obélix. Ah, ils sont gays, c'est sûr. Ouais, sûrement gays. Ah, les deux sont. Lady Gaga. Non, elle est pas bi. Je dirais bi. Si, elle est bi. Ah bon? Ouais, elle l'a assumé aussi. Emmanuel Moir. Non, il est pas bi. Non, il est gay. Il est gay. Il est gay complètement. Mika, le chanteur. Il est gay. Il est gay. Gay. Fred et Jamy. Et ils sont gays, ça. Non, ils sont hétéros. Mais là, mais c'est le conducteur qui est gay, je crois. Ah vous? Ouais, mais n'importe camion. Quoi, on l'a jamais vu. S'en fout. Et enfin, Megan Fox. Non, elle est hétéro. Pas bi. Elle est bi. Ah ouais? Ouais. Et vous savez qu'elle ne divorce plus de Brian Stingreen. Ah oui? Je savais même pas qu'elle était mariée à ce gars. Donc... Mais si, il jouait dans Desperate Housewives et Beverly Hills. D'accord. Dans les années 90. Merci pour l'info, people. Bon, mon Adrien Thomas, on va te laisser la place? Avec plaisir. Pas de trucs à nous raconter sur les anecdotes bi, on est d'accord? Eh ben écoute, mais enfin, à moi j'ai, j'ai juste un truc, j'y crois pas trop à ça. Je pense que bi c'est un peu un faux truc, genre. Ah ouais, tu sais quand même, t'as une sexualité préférée quoi. Tu peux être bi, mais t'as un truc plus vers soit les mecs, soit les meufs, mais tu sais. Oui, moi je suis d'accord avec lui. Moi je suis un peu d'accord. C'est comme quand tu vas au McDo, t'aimes bien le Big Mac, t'aimes bien le McDeluxe, mais tu préfères le Big Mac ou le McDeluxe. Voilà. Et merci Anne. Mais tu prends le Big Mac pour te faire kiffer de temps en temps. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Bon, les bichons, on a passé une bonne soirée. Ouais. Est-ce que vous avez retenu un truc qui vous a marqué, un truc que vous avez kiffé? Amir. Que Hanso est toc à sa porte et que c'est son chat qui lui ouvre. Hanso. Moi j'ai appris que Thibaut Alaréa devenait violent quand on parlait de sa meuf qui pouvait éventuellement se taper des mecs. Ok, Thibaut Alaréa. Moi j'ai appris que Cameron Diaz était bi et franchement ça m'excite. Tu t'es pas foulé toi, on vient de le faire récemment. Et Hanso au standard. J'ai appris que j'ai toujours pas trouvé ma voix. Ok, voilà. Et toi Marion? Moi j'ai appris qu'on a réussi à sauver un couple tout à l'heure où je te demande pardon. Et franchement ça m'a fait kiffer, j'espère vraiment qu'on va reprendre de leurs nouvelles. Ouais. Voilà. Et puis la vidéo, le prank, fonctionne de ouf sur YouTube là. Ouais, c'est Thibaut Alaréa là, qui est tombé dans la rue pour faire flipper les gens. Allez mater ça sur la chaîne YouTube Marion et Hanso. Le gaming, ça revient aussi, Marion et Hanso Gaming. Et puis nous, demain, on sera là en direct à 22h quoi. Tout à fait. Ouais. On finit en chanson. Est-ce qu'on était contents d'être là? On était contents d'être là. Merci beaucoup. From receiver and speakers is strongly recommended. Party. Party. Fun. Dance. Electro. Adrien Thomas. Mix. Party Fun. Party Fun. La première émission Dance Electro de France. Quel artiste, super beau. Des années de répète quoi. Enfin, tout ça pour une intro. Non mais tu sais, un show, ça démarre direct à l'intro. On sait si le mec est bon ou pas dès l'intro. C'est vrai. C'est comme en sexe. C'est genre les 10 premières secondes. Non mais tu sais quoi, tu sais que la personne va être un bon coup si elle embrasse bien déjà. Et si elle danse bien. Et si elle danse bien, tout Paul. Et si elle mixe bien aussi. Et si elle a une grosse bite. Mais bon, c'est un autre débat. Ça, c'est faux. On en parle un peu. Allez, ce soir, le tout nouveau Cashmere. Il n'est pas encore sorti, je l'ai, je l'adore, il est top. Il y a aussi le son de The Parakeet. Et puis alors là, ce morceau qui, pour le moment, est un morceau comme les autres. Vous vous dites, qu'est-ce que ça peut bien être? Bah oui. Ouais. Tiens, quiz, c'est quoi? Ah, DJ Snake? Non. Bieber? Non. Major Lazer? Non. Axel Ingrosso? Attends, regarde, ça part. Kungs. Bravo Amir. Il a pas perdu la main. Il a pas perdu la main. Non, c'est Amir. C'était Enzo. C'était moi. Enzo. C'était moi. D'accord, bon. C'était moi, arrête. Bravo Enzo. On démarre avec Kungs. Et je vous embrasse. Bisous. Bisous mon chat. Big city, beautiful sky. The only thing I want.

Fun Radio. Party. Party. Party. Fun. I can't feel. I can't feel.